Venez, entrez dans la danse. Indestar, là où tout commence. I love America! Welcome to the United States! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Bienvenue sur Indestar, ça veut dire en américain bien sûr. www.indestar.fr pour cette émission spéciale Amérique où on avait envie de traverser virtuellement l'Atlantique ce soir à faute de pouvoir le faire en vrai. Et en plus, bon, forcément, l'actualité, vous ne pouviez pas passer à côté des élections américaines, fait qu'on s'est dit qu'on allait se faire une émission spéciale Amérique. Vous avez peut-être vu d'ailleurs sur la page Facebook d'Indestar qu'on s'est amusé à faire un nouveau drapeau américain avec nos têtes de Jim Carrey, inspirées par Laura vendredi dernier, n'est-ce pas Laura? Oui, c'était pour ça, je me disais, oh tiens c'est marrant, je vais faire une tête de Jim Carrey en toute innocence, et qu'est-ce qui se passe après? J'ai ma tête sur un drapeau, bah bravo. Exactement. Et on se retrouve plus de 1000 à voir la publication sur Facebook. C'est ça qui est génial avec la radio. Il y a Audrey également ce soir, bonsoir Audrey. Hi guys. Yeah, bah, Audrey qui sait parler français, hein, vous inquiétez pas aussi, ça peut servir. Martin, salut Martin. Salut, salut, ça va bien? Bah écoute, ça va impeccable, on rappelle qu'on est dans les émissions à la maison, c'est-à-dire chacun chez nous, on ne se voit pas, on ne se touche pas, on est à distance, mais pourtant on se parle et c'est ça qui est sympa avec vous ce soir et avec Teddy qui est en studio, bonsoir Teddy. Hello to team. Oh, ouais. Magnifique American. Alors, c'était bien essayé. Ouais. Total. Fort. Ouais. Mais je vais te faire redoubler ton année, Teddy. Ah ouais. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on voit qu'en France, l'anglais, on est vraiment des quiches parce que j'étais bon en anglais au collège. Ah, t'étais bon au collège? Ah ouais, mais pourtant. Alors, mais pourtant, on aurait tellement à redire sur les méthodes d'enseignement français des langues étrangères. Ça n'excuse pas le fait qu'on soit tous mauvais, hein, parce qu'en plus, c'est pas vrai, on n'est pas tous mauvais dans l'équipe. Oui. Mais ça excuse quand même un peu. C'est-à-dire que si on s'est arrêté au niveau scolaire, ce qui est mon cas, hein, d'ailleurs, même si j'ai ma femme qui s'appelle Anna Fri et qui est américaine. Bon. Non, mais c'est quoi ce délire? Oui, non, mais il fallait placer. Mais j'avoue que mon niveau d'anglais est quand même vachement faible. Je comprends un peu des fois ce qui se dit quand les Américains ou les Anglais n'ont pas trop d'accent, mais faut pas que ça soit l'accent texan, quoi. Mais après, pour parler anglais, c'est compliqué. Oui, c'est pas faux. Ouais. T'es du même avis. Vous êtes tous des grosses quiches, en fait. Bah, oui, perso, ouais. T'es dans une équipe de grosses quiches, ouais. Ouais, mais j'assume. Non, c'est parce que Laura, en plus, elle a triché. Elle a fait jeune fille au père. Donc, moi, c'est de la triche. Oui. Au père quoi? Pour l'histoire, j'étais un mois aux États-Unis, mais en mode touriste. Mm-hmm. Et juste après, j'ai enchaîné avec 6 mois en tant que fille au père en Angleterre. Donc, forcément, le niveau, ça augmente. Exactement, c'est quasiment américain. J'avais un pote comme ça qui était avec moi au lycée et qui avait la même moyenne que moi au lycée, c'est-à-dire pas beaucoup, et qui après est parti vivre en Angleterre et clairement, oui, au bout de 3 mois, il est revenu, il était bien, quoi. Moi, comme quoi, peut-être qu'on pourrait revoir nos méthodes d'apprentissage. J'ai une question pour Laura. Par la pratique. Laura, c'est quoi une fille au père? T'au père quoi? Une fille au père, en gros, c'est comme une babysitter, mais qui est dans une maison H24, en fait. Donc, échange du logement, de la bouffe qui est payée, toi, tu t'occupes des enfants. Enfin, moi, par exemple, j'étais avec famille de parents et deux filles, une de 11 ans, une de 6 ans. Et en fait, vu qu'elles étaient déjà scolarisées, mon but, en fait, c'était de les emmener à l'école et de les récupérer en fin de journée. Ce qui fait que j'avais toute ma journée de libre et c'est que génial. Soit je me baladais ou soit je prenais des cours d'anglais. D'accord, oh, c'est cool. Tu vois Princesse Zigda? Non, mais je sais même pas si je dois voir, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, c'est pas grave, c'est une série AB. Ouais. La fille était jeune fille au père, mais d'une en fait une extraterrestre. Mais c'est pas grave, hein, d'accord. C'était ma référence. C'était dans les années 50, non? Ouais, les années 90, ouais. Ouais. Non, mais je pense à ça, jeune fille au père, ça me fait penser à Princesse Zigda, c'est bon. Oh, ma foi. Bref, ce soir justement, on va raconter les petites anecdotes que vous avez pu vivre les filles, parce que Laura, donc t'as fait jeune fille au pair là-bas, enfin en Angleterre, pardon, pendant 6 mois, mais t'as été aux États-Unis aussi, et Audrey, t'as été faire un petit road trip aussi aux États-Unis. Oui, j'ai été voir mon meilleur ami qui habite là-bas. Mm-hmm. Et c'était sympa. Un peu moins d'un mois, ouais. Oh, c'était trop cool, j'ai adoré. Ouais. D'ailleurs, j'ai une première question pour vous. Je me la pose depuis un moment. Attention, c'est tu vois, en France, nous on a des restaurants français classiques et on a des restaurants d'autres cultures, genre restaurants japonais, restaurants chinois, ainsi de suite. On a pas de restaurants américains, mais on a des fast-food américains. Mais est-ce qu'ils ont eux des restaurants, on va dire comme nous en France, des restaurants français? Est-ce que eux ils ont des restaurants américains? En fait, en soi, c'est tous les fast-food qui sont des restaurants américains. Mais à part des fast-food, parce que. Ouais, mais il y a une. Comment dire. Si, t'as de la cuisine culturelle. Ouais, voilà. T'as la cuisine culturelle, par exemple, la cuisine Cajun, qui est très connue, qui est donc en Floride, au Mississippi. Ouais. Vers le Mississippi, tout ça. T'as pas vraiment. C'est tellement grand. C'est 17 fois plus grand que la France et les États-Unis. Ouais, donc c'est comme tu disais, il y a une nourriture française. C'est pas vrai, il y a pas une nourriture française. Il y en a que du nord au sud, tu manges pas la même chose chez les ch'timis que chez les sudistes. Quoi. Ouais, donc, c'est pas faux. C'est pareil aux États-Unis. T'as des plats typiques de chaque État, mais c'est difficile de dire un resto américain, tu vois ce que je veux dire? D'accord, ouais, mais ils en ont, c'est ça que je veux dire. Ah oui! Voilà, oui, d'accord. Mais en plus, ils ont des restaurants de tout. Enfin, par exemple, quand tu vas à New York, en plus, c'est par quartier aussi. T'as Little Italy, t'as Chinatown. Oui. En fait, mais ça, c'est une autre culture. C'est une autre culture qui vient pas de chez eux. Et du coup, je me posais la question, est-ce que tu vois, si en France, on pourrait avoir un genre de restaurant américain à part un fast-food? Parce que restaurant, ça, pour moi, ça quand même. Gastro, en fait, sur du restaurant gastronomique américain. Ouais, bah, peut-être pas gastro, mais genre traditionnel au moins. Ouais, je pense d'avoir vu des gastro américains. Ouais. Bah, avec de la cuisine, alors ils appellent ça la soul food, la cuisine de l'âme, mais c'est très afro-américain ça. Et, ouais. Et c'est des plats réconfortants. Eux, par exemple, leur plat, quand toi t'es petit, en général, enfin je sais pas, est-ce que vous avez un plat que vous mangiez quand vous étiez petit, genre jambon pâte, enfin jambon coquillette, tout le monde connaît? Bah oui, par exemple, oui. C'est un plat quand tu sers quand t'es petit. Bah là-bas, leur plat d'enfance, c'est un mac and cheese. C'est des pâtes au fromage en fait. Ah oui, il y a plein de petits trucs comme ça où c'est culturel et après est-ce que c'est de la bouffe gastro? Non, mais est-ce que jambon coquillette c'est gastro? Pas vraiment. Non, effectivement. Non. Mais non, oui, non. C'est... Finalement, c'est la même bouffe que chez nous, quoi. C'est, ça reste du pâte fromage, quoi. Mais pour toi, c'est la même bouffe que pour toi, Yann. Oui, ça, y a pas de souci. Bref, l'Amérique, justement, le sujet du moment, c'est les élections américaines. On a peut-être. Enfin, on pense avoir le nom du vainqueur, mais est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur le procédé des élections américaines qui sont très différentes de chez nous, Audrey? Ah oui, alors vous n'êtes pas sans savoir que Monsieur Biden, Monsieur Joseph Robinette Biden a été élu. En français, ça donne pas très bon. C'était avant Robinette, hein, mais oui. C'est Joseph avant Robinette. Pardon. C'est pas très beau en français, en vrai. Joseph Robinet Biden, enfin Biden. Robinette. Ouais, Robinette Biden. Ouais. Et alors oui, peut-être vous avez vu un peu aux informations quand même, ils vous en ont un peu parlé. Mm-hmm. Les élections aux États-Unis, c'est extrêmement compliqué. C'est un processus qui dure quasiment un an parce que entre le choix des candidats, enfin entre la campagne des candidats avant d'être choisi pour leur parti, puis la campagne électorale du président avant d'être élu, il y a une tonne de démarches. Alors, j'ai essayé de vous faire un exercice de vulgarisation et de simplification. Sachant que je suis élu pour 4 ans après, en plus. C'est-à-dire qu'ils font un an pour être élu 4 ans. Hein. C'est quand même beaucoup de démarches. Hein. C'est un quadriena et tu peux renouveler une fois. Ouais. Donc, mais c'est une horreur. Enfin, c'est une horreur. Enfin, c'est incroyable la tonne d'argent que ça déplace. On parle en millions de dollars de frais de publicité, de sponsoring, de goodies, de meetings, enfin, tout et n'importe quoi, n'importe quel événement. Et surtout qu'il y a beaucoup de financements privés parce qu'il n'y a pas de plafond sur les financements privés. Donc cette année, je crois que la campagne de Trump, elle a coûté 86 millions de dollars, je crois, quelque chose comme ça. Tu peux écraser littéralement tes concurrents, en fait, sur la simple base du fait que t'es vachement plus riche qu'eux, quoi. Ah bah de toute façon, capitalisme. Oh yeah. Oh yeah. Ouais. À l'américaine, oh yeah. Non mais oui, parce que il y a ça quand même en France, mais nous il y a un plafond. Et oui, parce que c'est non mais que... en vrai il y a un plafond, mais c'est un pardon. En France t'as des financements publics et donc t'as un plafond. Aux États-Unis aussi t'as des financements publics, sauf qu'en financement privé tu n'as pas de plafond. Ouais, alors que je crois, si je dis pas de bêtises, que en France c'est pas autorisé le financement privé. Je crois, savoir ça pour des questions de d'éthique, malversation et de, voilà. de d'égalité. Bah oui, mais... Exactement. Donc en fait, les États-Unis comme on les connaît, c'est hyper récent. Hein. Le premier président, qui était George Washington, a été élu en 1789. Mm-hmm. Nous avons hyper récent dans l'histoire moderne. Ah bah oui, c'est sûr. Hein. Et ça a été le brol pendant un bon moment parce que bah c'était pas très unifié et c'est très très très très très très très très grand, les États-Unis. Donc en 1845, ils ont décidé de mettre sur pied un système électoral plus construit. Et c'est là où ils ont fait le choix du jour de vote. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais aux États-Unis, on vote pas n'importe quel jour, on vote le premier mardi de novembre. Ah oui, et c'est pourquoi le premier mardi de novembre ? Oui, quelle est la question ? Pourquoi ? Pourquoi le premier mardi de novembre ? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les États-Unis est une nation très très très religieuse. Mmh. Très croyante, donc hors de question d'organiser une élection le dimanche comme chez nous. Mais comme c'était très grand et que les élections étaient à une époque fort fort lointaine et qu'il fallait se déplacer en canasson, le canasson ne va pas très vite. Donc il fallait penser au jour de voyage pour aller voter. D'accord, donc tu partais le lundi et t'arrivais le mardi. Exactement, parce que le dimanche c'était le samedi, tu travaillais. Le dimanche c'était la messe, donc tu pouvais pas louper la messe, donc tu pouvais pas partir dimanche. Et du coup, tu votes mardi, tu reviens mercredi et tu retravailles jeudi. Ça t'a bouffé la semaine, quoi. Bah clairement, genre, ils partaient lundi pour pouvoir voter mardi et repartir dans la journée de mardi. Parce que le vote, il se fait en quelques secondes, en fait, en quelques minutes. Oui, oui, oui. Oui. Et pour être mercredi au jour du marché. D'accord, ok. Alors, c'est vraiment... le problème, c'est que c'est un véritable problème aujourd'hui. Parce que ce mercredi du 1er novembre... Du première semaine de novembre, pardon, il n'est pas férié. Donc c'est un jour travaillé. Donc les gens qui veulent voter doivent poser un jour de congé. Ah ouais, ou alors y aller à la pause café, quoi. Alors tu y vas pas à la pause café aux États-Unis parce que c'est plusieurs heures de queue pour aller voter. Par contre, ils ont mis en place deux systèmes. Un système de vote anticipé, donc les urnes ouvrent 10 jours, je crois, ou 7 jours avant le vrai jour officiel d'ouverture des élections. Mmh. Et t'as le vote par courrier qui a fait grand débat cette année. Donc les gens inscrivent sur un petit courrier et le mettent dans une boîte et ça part à la poste comme il a comme fait débat parce qu'il y a eu des suspicions de trucage, par exemple. Oui, voilà, parce que Trump a ouvertement dit que les courriers pour sa part n'avaient pas été comptés, ils avaient été détournés. Mmh. Et donc ça fait débat, ce vote, depuis un bon bout de temps. Mais ça permet à un maximum de gens de voter, même si, malheureusement, il y a très peu de la population aux États-Unis qui vote. Parce qu'ils ont eu le droit très tard et l'accessibilité des bureaux de vote est plus que moyenne dans certains endroits. Bah, tu dis plusieurs heures d'attente, c'est pas. Enfin voilà, chez nous, ça fonctionne quand même relativement bien, que ça soit dans les villes ou les villages. Pourquoi là, plusieurs heures d'attente alors que... Mais parce qu'on n'est pas la même population. Non, mais je suis d'accord, mais... Ils n'ont pas des mairies à chaque village. C'est ils n'ont pas forcément des villages, bureaux, de toute façon. Les bureaux ne sont pas ouverts partout, et puis faut passer l'entièreté de la population en une journée. Donc, ils ont des millions d'habitants, et c'est très compliqué à gérer. Tu as le pourcentage de votants là sur l'ensemble de la population américaine pour ces élections ? Eh bah, ben, en fait, c'est très dur à trouver l'ensemble des votants parce que ils font aux États-Unis les statistiques raciales, c'est autorisé. D'accord. Donc, en fait, on a un nombre de votants afro-américains, un nombre de votants hispaniques, un nombre de votants blancs qui dépend de chaque état, de chaque donc c'est hyper compliqué à estimer. Ouais, d'accord. Faire des moyennes de moyennes quoi. Et en tout cas, j'ai vu un article ce matin dans Le Parisien qui indiquait que le taux de participation était plus élevé cette année, étonnamment, que ce soit pour les voix pour Biden ou pour Trump, et c'est pour ça que c'était aussi serré cette année, en fait. Je crois que ça, c'était plus de 70 millions par parti, quoi. D'accord. Ouais, je crois que c'est ça. Ils ont, tu vois, je suis en train de tomber sur des sites de stats. Ils ont estimé à 342 millions de votes. Enfin, 342 000 votes participation. Non, participation en milliers, pardon. J'arrive pas à lire le stat. Donc, 342 000 votants. Voilà. Confirmer, hein, parce qu'ils vont tout attends, recompter. 342 000 votants. 3 millions 4 du coup. Ouais, 3 millions, ouais, parce que oui, sinon ça fait presque rien. En milliers de votants, pardon. Ouais. Et donc voilà. 12 à avoir voté cette année. Ouais, c'est un peu ça. C'est ouais, déjà bien. On est mais en vrai, ça a été un véritable problème parce que Trump a mis en place plein de choses pour mettre des bâtons dans les roues des minorités pour voter. Par exemple, il a supprimé plein de bureaux de vote dans des quartiers hyper défavorisés et il a mis en place un petit stratagème très drôle. Pour les natifs américains qui vivent donc dans des réserves, pour voter aux États-Unis, il faut avoir une adresse postale. Mmh. Donc quand tu vis dans une réserve, t'as pas d'adresse postale. Oups, et d'ailleurs, il y a beaucoup d'Américains, beaucoup plus qu'en France en plus, hein, qui sont bon SDF ou considérés comme tels, c'est-à-dire des gens qui vivent dans leur camion, dans leur voiture, etc. C'est très courant aux États-Unis, hein, de vivre dans son van, etc. Enfin voilà, et donc tout cela n'avait pas le droit de voter en fait, c'est ça. Bah ouais. il faut avoir plein de conditions absolument ubuesques pour avoir le droit de voter. Mmh. Et pour dire à quel point le droit est un peu compliqué à acquérir aux États-Unis. Le droit de vote des femmes blanches, évidemment, on note, a été acquis en 1920. Eux, ils ont été plutôt en avance par rapport à nous, parce qu'en France, oui, c'est qu'en 44. C'est en 44 que la loi a été votée, et en 46 oui, que les femmes ont voté pour la première fois. Mmh. Mmh. Le droit des Afro-Américains, enfin, d'abord il y a eu le droit des Amérindiens qui était en 1962. Ah ouais, ok, oui. Et 3 ans plus tard, en 1965, enfin le droit des Afro-Américains parce que bon, d'accord, alors d'accord. Non, mais ce qui me fait rire jaune, c'est que les Amérindiens ont eu le droit de vote en 1962 alors que c'était les premiers sur ces putains de terres. Pardon pour oui, le terme, ah mais bah, ouais, enfin, oui, je veux dire, c'est complètement sans dessus dessous. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Oui, mais rappelle-toi, rappelle-toi que la découverte de la soi-disant découverte de l'Amérique, hein, on les a zigouillés. Hein. Ah, bah oui, clairement, c'était oh là là, bonjour, vos terres sont bien sympathiques. Hop, oh, et bah hop, on les zigouille et du coup, on a découvert un nouveau territoire. Une balle dans la tête, il leur offrait des couvertures pleines de choléra, donc une maladie qu'ils ne savaient pas soigner, évidemment, puisque c'est une maladie européenne. Donc les Européens y résistaient plutôt bon an, mal an, pas trop mal, mais comme c'était une maladie absolument inconnue de leur part, ça a décimé une énorme population amérindienne. Ouais, c'est vicieux. Ouais, vicieux. Non, bah, c'est, ouais, oui, c'est humain, c'est vicieux. Pour en revenir donc au vote, là, on en est où, là, Audrey ? Donc, on est au vote, on leur a donné le droit de voter à tous ces braves gens, qui devient donc maintenant une véritable élection universelle, mais une élection indirecte. Parce que le peuple va voter pour des grands électeurs qui vont eux-mêmes voter pour le président. Alors, c'est même... Qu'est-ce que tu appelles les grands électeurs ? Voilà, en fait, exactement. Donc, à l'idée, à la base de la base. C'est très compliqué parce que chaque État aux États-Unis, il y a 50 États, et chaque État a sa propre règle rajoutée à la règle fédérale, qui est donc la règle générale. Donc alors là, accrochez vos ceintures, les petits chats, parce que là, va y avoir un peu de détails, ça va être un peu compliqué, même si je vais simplifier. Okay. Donc les candidats se présentent, chacun est libre de se présenter à la candidature des États-Unis, du moment que tu as plus de 35 ans, que t'es né aux États-Unis et que tu as vécu plus de 19 ans d'affilée et que t'as un sacré paquet de pognon. Oui. Pour financer ta campagne quand même. Mmh. Les candidats ne se présentent pas seuls, ils se présentent en duo avec un président et un vice ou une vice-présidente ou une présidente et un ou une vice-présidente. Donc une fois que ces candidats se sont présentés, par exemple cette année, trois paires de candidats pour le camp démocrate et 12 paires de candidats pour le camp républicain. Oui, ils ont comme c'est chez nous des partis, hein, des partis républicains et démocrates. Alors, je sais qu'il y a aussi des partis libertariens et des partis plus écolo. Plus petits. Est-ce qu'ils ont ça, partis écolo? Oui, ils n'en crois pas. Ils ont, mais en fait, ils ne sont pas du tout. Comment dire, ils n'existent pas réellement. Il n'y a aucun grand électeur qui vote pour eux, mais par contre, il y a quand même eu des votes en leur faveur de la part des habitants, en fait. C'est beau. Et puis par État, par exemple, la Californie est un État qui est très sur l'écologie, par exemple. Mais il y a des États pas du tout. Donc t'es pas obligé de présenter ta candidature à tous les États. Genre tu peux présenter qu'à quelques-uns ou à tous. Ça dépend de ton argent, ça dépend de ce que tu veux faire, ça dépend de qui te parraine. Enfin. C'est hyper compliqué. Alors, les partis. Tu commences par Hawaï et puis après, si t'es riche, tu t'envahis l'Amérique. Les partis minoritaires, j'en parlerai pas parce que c'est trop complexe et j'ai pas réussi à synthétiser le BINS. Donc, on va partir sur un biparti, donc démocrate-républicain, l'âne et l'éléphant. Et donc, les candidats se présentent donc dans leurs différents partis. Il y a deux systèmes pour voter pour choisir le duo gagnant entre guillemets, pour choisir celui qui va s'affronter pour la présidentielle. Dans 12 États, il y a ce qu'on appelle des caucus. Ce sont donc, alors là, c'est là où il faut s'accrocher. Ce sont donc des réunions organisées par les partisans eux-mêmes de chaque camp qui vont organiser un caucus, une réunion dans leur ville. Où des délégués vont être élus à main levée pour être des délégués de bureau, donc pour être représentés au niveau du comté. Puis ces mêmes délégués du comté vont voter pour des délégués représentants pour la convention de l'État. Et finalement, pendant cette convention, tout le monde va se regrouper et va élire la paire de candidats dans chacun de ses partis. Ouais, pour les États qui n'ont pas de caucus, donc pour les autres, enfin 50-12, les matos, c'est pour vous ? Ouais, bah oui, 38. Oui, merci Laura. Ouais, très bien. Pour les 48 états restants, ce sont des primaires, comme les primaires chez nous. Attendez, t'as dit 50-12 ? 48 ? Oui, c'est 38. Vous êtes sérieux ? Et j'ai dit 38 en plus, et vous dites 48 ? Non mais sans déconner là ! J'ai moins 2. Non, non, non. Pardon, c'est mea culpa. Donc, c'est moins 2 ou moins 12 ? Moins 12. Pardonnez-moi. Pour les états restants, c'est donc une primaire qui va s'organiser, un peu comme ce que nous on connaît, sauf que, histoire de rigoler un peu, le parti élit des délégués à la convention nationale qui votent pour un duo. Chaque état a son propre procédé de sélection des délégués. Et en général, c'est une sélection d'honneur. Donc, tu deviens délégué pour voter pour les grands électeurs. C'est un titre honorifique, en fait. Genre, si tu as fait quelque chose de bien pour ton État, t'es mis en avant et tu as le droit d'aller voter une fois pour ce golden ticket, pour ce ticket, pour aller voir ton duo de président-vice-président. Mmh. Et donc là, ça y est, il y a une grande partie qui a été faite. On a passé 4 mois de campagne. On a voté pendant un mois et donc on a notre ticket de chaque parti, donc nos duos président, vice-président, présidente, vice-présidente, qui vont alors s'affronter pendant maintenant encore 3 mois supplémentaires à coup de campagne, de choses, de machin, et pour les grands et qui vont être eux élus par les grands électeurs. Les grands électeurs, il y en a 538 en tout. Qui constitue un collège électoral. Et donc, le collège électoral, en fait, les grands électeurs sont répartis dans les États. Alors, ils ne sont pas répartis à la proportionnelle des habitants, sauf 2 États, le Maine et le Nebraska. Mais tous les autres, c'est parce que c'est la loi. D'accord. Et tous les autres, non, mais vraiment, c'est ça la réponse, hein, parce que c'est la loi. Et tous les autres, c'est des choses qui sont désignées au vote des délégués. Donc, ça va de 55 en Californie, là où il y a le plus de gens, là où il y a le plus de grands électeurs, jusqu'à 3 pour Washington, l'Alaska ou encore le Wyoming. D'accord. Et de ce collège de grands électeurs, donc les 538, il faut que le président ou la présidente obtienne 270 votes pour passer président. Donc, c'est la majorité. Alors, c'est un peu. C'est la majorité des grands électeurs. Ouais, c'est un peu plus que la majorité. Ouais. Oui. Ouais. Juste par rapport aux présidents qui sont actuellement en poste, prend Trump et Barack et... Obama ou voilà. Non, il n'est plus en poste, Barack. De quoi ? Il était. Mais oui. Est-ce que ça se passe de la même façon pour eux s'ils veulent se représenter ou est-ce que les démarches sont facilitées parce que... Non, ça sera toujours la même chose. Ça sera toujours la même chose. D'accord. Bon. Ils auront plus de notoriété, that's it. Oui, ok, d'accord. Voilà, c'est pour ça qu'on les retrouve en principe une deuxième fois s'ils se représentent. Bah, en général, ils essayent d'enchaîner leur mandat, mais là, non, c'est toujours le même Beans. Ouais, exactement, c'est toujours le même Beans. Ok, très bien. Et donc, pour les votes, donc le peuple vote pour dire quelle tendance il veut aux grands électeurs, puis les grands électeurs votent avec un système un peu particulier. Parce que, par exemple, dans les 55 grands électeurs de Californie, s'il y a 50,1% des électeurs qui votent pour le candidat républicain, alors « the winner takes all ». C'est-à-dire, les 55 grands électeurs sont pour le candidat républicain. Ouais. C'est pour ça qu'on appelle ça des « swing states ». Genre, c'est vraiment des états où tout peut basculer parce que passer de 0 à, 5, à plus 55, ça change tout dans le nombre d'électeurs que t'as. Ouais, on est d'accord. Après, il y a des électeurs et il y a des états extrêmement fidèles. Par exemple, la Californie est très fidèle aux démocrates et le Texas est très fidèle aux républicains, par exemple. Il y a des états comme l'Illinois ou des choses comme ça qui sont des swing states, qui peuvent changer. Ils peuvent changer de bord, ouais. Exactement. Et justement, pour faire le parallèle avec la France, qu'on situe un petit peu, les républicains, tu les associerais à quel parti français et les démocrates auxquels aussi ? En vrai, c'est tellement... Bon, on peut grossir la caricature en disant... Avec la droite-gauche. Ouais, voilà, mais c'est tellement gigantesque et il y a tellement d'orientations politiques différentes dans chaque parti qu'on pourrait dire que c'est la droite extrême droite côté républicain et la gauche extrême gauche côté démocrate, mais ça serait réducteur. Non, c'est juste pour se faire un petit peu une image hein, si on est totalement en dehors des élections américaines. Voilà, pour savoir quel parti représente quoi. En gros, les républicains sont très conservateurs et oui. Les démocrates sont très novateurs, entre guillemets, c'est pas le nom. Mais voilà, genre, les républicains, c'est famille patrie, et les démocrates, c'est avançons vers l'Obamacare, vers des choses un peu plus socialistes. D'ailleurs, il y a eu un scandale là-dessus, en faisant croire qu'ils étaient proches du parti communiste. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Mais ça, c'est toujours une peur des Américains d'être associés au communisme. Ah ouais, mais pourtant, ils sont très, très, très, très loin d'être communistes. Oh, enfin, je veux dire, on associe à très vite fait démocrate à la gauche américaine. Mais enfin, si on retranspose ça à nous, Français, enfin, c'est centriste, en fait. Ah oui, de ouf. Enfin, Biden bien est sûr. Loin d'être à gauche. Oh. C'est pas notre gauche à nous, quoi. Non, c'est pas du tout cette gauche du prendre soin des autres, etc. C'est une gauche quand même très... Oui, parce que le système américain, on le verra certainement tout à l'heure quand on abordera les sujets comme la santé, comme plein de choses. Voilà, nous, on a constitué au fur et à mesure des années un système socialiste, malgré tout, qui est vachement plus ancré qu'aux États-Unis. On est dans le libéralisme. Mais on n'est pas dans la même culture, surtout. Ouais, non, mais c'est sûr. Ouais. Historiquement parlant. Donc, pour faire, par exemple... Donald Trump était républicain et Barack Obama était démocrate. Démocrate, ouais. Voilà. Et donc là, le nouveau président est Joe Biden, qui est démocrate. Démocrate, exactement. Voilà. Avec sa colistière, donc la vice-présidente Kamala Harris. Oui. Et d'ailleurs, on peut le souligner parce que c'est la première vice-présidente. C'est la première femme vice-présidente et c'est la première femme afro-américaine vice-présidente. Ouais. Donc ça, c'est à souligner. Que des hommes blancs. Blancs, non. Bah non, on a eu Barack Obama. Ah oui, en vice-président, non, tu veux dire. Non, en vice-président, ouais. Ça n'était que des hommes blancs. Ouais, mais on avait déjà eu une avancée avec Barack Obama en termes de président. Et là, première femme vice-présidente. Donc bientôt une femme présidente. Ouais. Là, pour l'instant. Pardon. J'étais seul. Tu disais, t'as dit ? J'étais le seul, mais bientôt une femme présidente en Amérique. Mais bon, ça. En fait, c'est un projet. Biden aimerait pousser Kamala Harris sur le devant de la scène pour les 4 ans prochains. Ouais, puis il va peut-être crever, quoi, donc... il est extrêmement âgé. Ça serait pas impossible que ça se produise comme ça, tu vois, naturellement. Moi je propose qu'on agite le drapeau blanc, là, parce que... ça va aller loin, ou plutôt le white flag. Pour l'instant, les élections américaines ne sont pas terminées, puisque le 19 décembre, ce sera donc le vote des grands électeurs, oui. qui, on l'espère, suivront la tendance des électeurs, enfin du peuple, mm-hmm. parce que malheureusement, il y a eu un reverse l'année dernière pour l'élection de Trump. Hillary avait été élue avec plus de 3 millions de voix. Oui, pardon. À plus de 3 millions de voix supplémentaires par rapport à Trump, mais mm-hmm. finalement, Trump ouais, qui a été... Il y a eu un revirement de situation, ouais. ouais donc pour l'instant, ne faisons pas victoire trop vite. Les grands électeurs votent le 19 décembre et l'investiture se fait le 20 janvier. D'accord, le, donc, le jour de... Oui. Ces grands électeurs, comment ils sont mis en... Comment ils sont choisis? Ils sont choisis. Alors déjà, ils ont le pouvoir que de pendant cette élection. Ils ont plus d'autres pouvoirs. C'est vraiment un... ils ont le pouvoir juste le 19 décembre. Et c'est soit un titre honorifique, soit un choix de placement vis-à-vis des États. Chaque État a sa règle. Je t'avoue, je n'ai pas épluché les 50 États pour savoir comment ils choisissaient leurs grands électeurs. Mmh. Et en tout cas, voilà, c'est ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que c'est pas... C'est un vote indirect. Voilà, c'est pas aussi simple qu'en France, entre guillemets, c'est-à-dire que là, on a une tendance où on se dit, bon, Joe Biden devrait être élu, mais il peut y avoir virement de situation le 19 décembre, et c'est là, et seulement là, qu'on sera fixé. Teddy, tu voulais faire la transition, c'était très bien vu, hein, ouais. le drapeau ouais. blanc, hein, je sais que je sais que t'es déçu. Je l'ai tenté, mais j'ai échoué. Mais bon. Oui, mais c'était bien tenté parce que c'est Boyz Avenue qui reprend Dido avec White Flag, effectivement, sur Indestar. Et puis, dans un instant, on aura 5 bonnes raisons de ne pas vivre aux USA, signé Laura. Ce sera dans la suite de notre émission spéciale de ce soir. Indestar, là où tout commence. Là où tout commence. Alors presque, si vous venez de débarquer sur indestar.fr, il est 21h39, on a commencé il y a 39 minutes, avec vous pour une émission à la maison, spéciale États-Unis. Mais si vous avez raté le début, il n'y a pas de souci parce que dès demain, l'émission sera disponible sur toutes les plateformes de podcast. Donc peu importe votre application, vous pourrez réécouter cette émission depuis le départ. On a parlé élection américaine, bien sûr, parce que c'est d'actu. Et maintenant, on va vous donner... pas envie d'aller aux États-Unis en vous donnant 5 bonnes raisons de ne pas vivre aux United States of America. Laura, toi qui as été, c'est toi qui vas nous les donner. Exactement. Bon, avant, je voudrais vous recontextualiser un peu le pourquoi du comment je suis donc allée aux États-Unis d'Amérique. Oui. En fait, c'était en décembre 2018. J'y suis allée pendant un mois. C'était pour rejoindre mon chéri qui était pendant toute l'année scolaire aux États-Unis, en plein milieu de la Pennsylvanie. Et qu'est-ce qu'il faisait là-bas ? Il était assistant de français, en fait, donc il assistait à un professeur de français dans une université en Pennsylvanie. Donc, il apprenait le français ? Cette expérience pour lui. Pardon ? Il apprenait le français aux Américains ? Yes. Oh, ouais, c'est ça, c'est son métier, en fait. Donc, c'est beau. Ça faisait partie de ses études. Enfin, il n'était pas obligé d'y aller, mais il s'est dit pourquoi pas y aller. Et du coup, je l'ai rejoint pendant tout le mois de décembre. Donc, on a fait un peu toute la côte Est. Enfin, parce que Pennsylvanie, c'est sur la côte Est, à 3-4 heures de route de New York. Donc, j'ai atterri à New York début décembre. Et puis après, on a été en Pennsylvanie jusqu'à Miami. Ensuite, un peu la côte Est, Washington, Philadelphie, Baltimore, pour remonter jusqu'aux chutes du Niagara. Oui, t'as voyagé pas mal, hein, parce que aux États-Unis, quand tu fais un trajet, parce que là tu dis rien que le trajet New York-Miami, il y a combien d'heures de voiture pour aller là-bas New York-Miami, je sais pas. Il y en a un moment quand même, hein, parce que c'est énorme les distances là-bas. Exactement. Et d'ailleurs, pour aller jusqu'à Miami, nous avons eu un parcours du combattant. Et c'est une des raisons pour lesquelles il ne faut pas vivre aux États-Unis. Parce que une des raisons, ce sont les transports en commun. Donc, comme je vous le disais, on est parti du milieu de la Pennsylvanie, à Lewisburg plus précisément. Nous sommes partis de Lewisburg pour aller jusqu'à Miami. Donc, il y a quand même énormément de distance, vu que c'est du nord au sud. Mm-hmm. Premièrement, de Lewisburg jusqu'à Harrisburg, on devait prendre un bus. Tout se passe bien, 2 heures de bus. Ok. On arrive à Harrisburg et on devait prendre un autre bus pour aller à Baltimore, Baltimore, où il y avait l'aéroport pour aller à Miami. Vous me suivez jusque-là ? Oui. Mm-hmm. Ouais. Ok. Mais le deuxième bus d'Harrisburg a déjà mis une demi-heure avant de partir parce que oh la conductrice attendait sagement que des retardataires viennent. Bon, ah ouais, ils font ça en Afrique aussi. ils attendent que le taxi soit plein avant de partir. Ah mais voilà, enfin c'est vraiment ok. Bon, une demi-heure, on se dit on a quand même un avion, hein, c'est pas le tout, mais hein. Bref, on démarre. Et sauf que entre Harrisburg et Baltimore, il y avait un autre arrêt entre les deux, l'arrêt dans la ville de York. Et là, vous n'allez pas me croire. En fait, la conductrice ne savait pas où était l'arrêt de bus à York. Ah. Et qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle ouvrait la fenêtre, enfin, elle ouvrait la porte pour rentrer dans le bus et elle interpellait les piétons. Excusez-moi. Ah, pour leur demander où c'était. Vous avez pas vu l'arrêt de bus ? Bah, c'est votre travail un peu quand même, non ? Oui, c'est ça. Et enfin, quand bien même elle est nouvelle et elle sait pas où est-ce que c'est, tu mets un GPS. Est-ce que c'est possible, ça, madame ? Donc, on était encore une demi-heure en train de tourner dans le centre-ville de York, enfin, en plus qui était une petite ville, quoi. Donc pour s'y perdre, faut y aller. Et au bout d'un moment, il y a un passager à l'avant qui lui a donné son téléphone pour avoir enfin un GPS. Quelle chouette idée. Franchement. Attends, sur les GPS en Amérique, t'as les places de parking les places de parking de bus. Oui. Enfin, oui, mais comme elle une gare routière. Une gare routière, voilà. Comme t'as en France. Ah ouais, c'est qu'elle ah ouais, savait pas où était la gare routière. Ah oui, d'accord. Ah ouais, mais j'avais pas une gare routière. Moi, j'avais genre l'emplacement de bus, tu sais. Juste ah non, les arrêts de bus. Non, bah ah ouais. Oui, non. D'accord. Mais peu importe, en fait, tu dois savoir où tu arrives normalement quand tu fais un trajet en bus. Oui, c'est pas faux. Conducteur de bus. Oui, c'est ça. Enfin, juste ce principe-là a été totalement bafoué. Donc, ça nous rajoutait encore une demi-heure de retard. Heureusement qu'on avait prévu large pour prendre l'avion. Donc, bref, on arrive enfin à Baltimore. Elle a mis un peu de temps aussi à trouver la gare routière de Baltimore, hein, je tiens à le dire. Voilà. C'est la même. Oui, bah, enfin tout le long. Bah, en fait, c'est toujours la même conductrice. Oui. Ouais. Voilà, de Harrisburg à Baltimore, c'était la même. Hein. Elle était un peu perdue. Ah, tu tombais sur une brèle, mais en même temps, il y en a en France. non, mais la suite est encore plus croustillante. Attention. De celle qui pilote l'avion. En fait, Et pardon. On s'est crashé dans l'eau. C'était sa première fois, elle savait pas où se poser. Elle savait pas où aller, dans quelle direction. Ils sont perdus dans le triangle des Bermudes. Demandez aux nuages, oui, c'est où l'aéroport ? De Baltimore, en fait, de la gare routière, on devait prendre un tram pour aller jusqu'à l'aéroport. Nous arrivons à l'arrêt de tramway, qui ressemble un peu à nos arrêts tramway en soi. On prend un ticket et là, on voit sur les panneaux d'affichage, il y a un problème de maintenance. Les trams en direction de l'aéroport ne peuvent pas aller à l'aéroport. Ah ! Et il n'y a pas de solution bis ? Ah bah si, le taxi. Mais ça on a pris un Uber. On a pris un Uber, 15 minutes, $25. Allez, joyeux Noël. On arrive enfin à l'aéroport. On se dit bon, c'est bon, on passe la sécurité. On est à l'heure pour l'avion. Mais là, l'avion... Qu'est-ce qui se passe ? Il est en retard. Ah non. Ah bah tu ah vois, bah c'est bon, comme ça, vous n'étiez pas prêté. Si tout le monde est en retard, ça va. Oui, mais nous, au final, on était à l'heure pour l'avion. Et du coup, on était en retard, ça a affiché d'abord 15 minutes, une demi-heure, 35 minutes, 1 heure, 1h15. On est content. On prend enfin l'avion pour aller jusqu'à Miami. Arrivé à Miami, super. Enfin, en fait, on était avec nos doudounes, parce qu'il faut savoir, on était le 12 décembre. Oui, donc, on arrivait avec nos doudounes à Miami, mais Miami, chaleur tropicale, 27 degrés, alors qu'il est 22h, quoi. Donc, il nous restait une seule étape avant d'arriver à notre Airbnb. Une seule. C'était un bus. Un bus devait nous emmener de l'aéroport à côté de chez les gens, quoi. Mmh. On attend le bus pendant une demi-heure. Et les gens, ils trouvaient ça normal. Enfin, on était juste à côté. En fait, ils semblaient pas trop regarder leur montre. Et au final, on arrive enfin chez les gens qui m'hébergeaient au Airbnb. Et en fait, ils disaient, mais pourquoi vous avez pris le bus ? Faut pas prendre les bus ici, quoi ? Mais... D'accord, en fait, c'est normal que les bus ne soient pas là. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est exactement ce qu'ils nous disaient. Ils disaient, mais en fait, à Miami, vaut mieux prendre un Uber que prendre un bus. Et en fait, on était choqués parce qu'on disait, Miami, c'est grand. Enfin, c'est comme si dans une grande métropole, admettons Lyon, les bus n'étaient jamais à l'heure. Et c'est le cas à Miami. C'est pour ça que la SNCF, en fait, elle devrait être américaine. Ça se trouve, elle a des origines. Hein. Ça doit être. Mais là, voilà. Allez, j'irai à l'American. En soi, je vois pas de grande différence pour le moment. Non, voilà. Mais, ça, ouais. Mais bon, quand même, c'était un peu le parcours du combattant hein, pour aller jusqu'à Miami. Hein, et vous n'êtes pas dit que vous alliez louer une voiture après ? Bah non, c'était trop tard. On avait déjà tout organisé. Enfin, le retour s'est plutôt bien passé, hein, rassurez-vous. On a réussi à s'en sortir, mais voilà, les transports seulement 3 heures d'heure, c'est à revoir aux États-Unis. Non, mais c'est parce que, Audrey, tu le soulignes, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le font, que ce soit pour des vacances ou des. Voilà. Quand tu arrives de l'étranger, c'est effectivement de louer une voiture là-bas et pour pouvoir se déplacer, parce que tous les trajets sont longs de toute façon, et il n'y a pas forcément des transports en commun pour aller partout. Mmh. Et la plupart des gens louent une voiture et font leur petite route après pour pas avoir ce genre de désagrément. Je pense qu'ils sont pas prêts en fait à recevoir. Parce qu'au final, on avait calculé et ça nous revenait moins cher de prendre l'avion que de prendre la voiture. Ouais. Donc de ce fait, on avait choisi cette option-là et on y réfléchira la prochaine fois. Pas forcément deux fois. Voilà. Donc c'était une de mes raisons de ne pas vivre aux États-Unis. Enfin, parce que d'ailleurs, d'un point de vue touristique, enfin, c'était génial. Hein, je tiens à le souligner quand même. Le fait de voir une diversité de paysages en un seul pays, les différents monuments, enfin, qu'on n'arrête pas de voir partout. Enfin, genre quand on était à New York, il y avait la Statue de la Liberté, Times Square. Enfin, bien sûr. Et puis tous les arrêts de bus de la ville de York aussi, qui étaient sympas. Ah oui, on a fait le tour. Hein, c'était incroyable. Mais t'as passé beaucoup de temps du coup dans les transports en commun pour ton voyage ? Pas tant que ça, enfin, parce que après pour les autres trajets, enfin, notamment Pennsylvanie, New York, vu que c'était à 3-4 heures de route, là par contre on avait pris la voiture. Et aussi pour aller jusqu'aux chutes du Niagara, parce que pareil, c'était à 3-4 heures, donc c'était raisonnable en voiture, enfin même oh au niveau vache. Prix, ça allait. Quand on se dit que 3-4 heures c'est raisonnable. Il y a ta voiture pour la journée en fait. Voire plus, parce que on n'y allait pas qu'une seule journée à New York ou aux chutes du Niagara, c'était au moins 2-3 jours à suivre quoi. Et t'es arrivé à garer ta voiture à New York ? Bah en fait, on était dans des Airbnb, mais en périphérie, en fait, enfin, plutôt du côté New Jersey ou Brooklyn, enfin, mais pas vraiment Manhattan, heureusement, parce que sinon, ça aurait été la galère. Deuxième raison de ne pas vivre aux États-Unis, la nourriture. Bon, certes, on vient de la France, voilà, gastronomique, tout ça. Donc, c'est voilà, dur. Nourriture, par contre, ils ont de très bons burgers, ça, c'est leur spécialité number one. Mais quand on souhaite vivre aux États-Unis, il y a un gros problème de taille. Enfin, déjà, il y a des. Enfin, je sais pas si vous allez considérer ça comme un problème, mais il y a des fast-foods absolument partout. Par exemple, quand vous prenez la route, chaque sortie, il y a un fast-food. C'est impressionnant. J'avais même vu que tu te repérais par rapport au fast-food là-bas quand quelqu'un t'indique la direction et te dise. Vous prenez tout droit, vous voyez le McDonald's, vous tournez à droite, vous voyez le KFC, vous prenez à gauche. Non mais j'imagine, totalement, on peut être totalement ça. Et puis le problème c'est l'écart de prix entre la malbouffe et la nourriture saine. Enfin quand tu vas dans un fast food, comment dire, un burger ou un donut c'est $1, donc c'est quasiment rien. Mais par contre quand tu vas faire tes courses au supermarché, parce qu'on l'a fait, parce qu'à des moments donnés on n'allait pas tout le temps aller au restaurant, ça allait nous ruiner. Par exemple 4 tomates bio, et encore bio chez eux, est-ce que c'est vraiment bio, je ne sais pas trop, mais en c'est tout cas ça avait plutôt tantôt, quoi. Ça avait la tête de nos pas bio à nous en fait, ouais, tomates, genre la belle ronde, mais voilà c'était package bio. 4 tomates bio c'était $4. Ouais, ça représente en fait, quoi en dollars, ça revient, dollars non, et euros, si c'est quoi avec, ouais, et puis si tu compares avec le prix que tu nous as donné avant du fast food, en fait, finalement, t'es entre guillemets gagnant d'aller manger un truc tout préparé, vite fait en fast food, que d'aller faire tes courses au supermarché et de cuisiner toi-même, quoi. Exactement, exactement. Et c'est pour ça, faut pas s'étonner, en fait, qu'il y a un taux d'obésité beaucoup plus élevé que. Bah ouais. Qu'en France. Enfin, c'est tout à fait logique. Mais attends, si tu commandes 4 burgers et que t'as 2 rondelles de tomates dedans, ça fait que t'as presque une tomate en entier dans 4 burgers pour $4. Oui, mais c'est pas des tomates bio, tu vois. Ouais. Les techniques pas chères de Teddy. Les astuces de Teddy. C'est ça. Mais mais c'est vrai que globalement, ça influe sur plusieurs choses. Ça influe sur le mode de consommation enfin c'est-à-dire de le fait d'aller au restaurant mais dans des fast-food, donc de manger vite fait parce que c'est le but, et donc de moins cuisiner aussi à la maison. Donc tout, en fait, toute la partie bouffe est très différente de chez nous, non seulement dans ce qu'on mange mais aussi de la façon dont on a de consommer et de percevoir un repas. Mais après, Laura, excuse-moi Théo, après en Floride par exemple, vous aviez pas de la super bonne bouffe caribéenne ou des choses comme ça? Ah, par contre oui, enfin on a testé des super restaurants. Enfin, on avait quand on était à Miami, on a été dans le quartier cubain parce qu'il y a une très forte population cubaine à Miami. Et dans le quartier cubain, on a testé un restaurant cubain, mais c'était excellent, mais quoi. Sans aller au resto, dans les bouis-bouis de rue, je parle, dans les petits trucs. Je sais pas, parce qu'en fait, à Miami, on a fait la grossière erreur de faire restaurant midi et soir, ce qui fait qu'à la fin de la semaine, on était totalement fauchés, voilà. Donc non, j'ai pas testé les petits bouis-bouis de Floride. Voilà. Parce que tu peux te nourrir facile pour c'est pas quoi, cher. Un moi, petit je me rappelle bouis-bouis. De manger une fois par jour, parce que moi j'ai fait l'autre côté, donc j'ai fait la côte ouest en Californie, et je me nourrissais dans les taquerias mexicaines et j'avais un repas pour ma journée. Genre, j'étais full blindée en payant 2 ou 3 dollars. Un bouis-bouis, c'est un... C'est ça qui change aussi aux États-Unis par rapport à en France, c'est la quantité de bouffe qui se sert. C'est incroyable. Ça n'a rien à voir, c'est-à-dire que là-bas, tu y vas... Même si tu prends une base qui est la même, on va prendre un McDo. Tu vas chez McDo, le Big Mac chez nous, il fait une certaine taille, voilà, raisonnable pour un pays européen. Tu vas là-bas, il est 4 fois plus gros, le machin. Et pourtant, ça porte le même nom. Mais c'est juste que, en fait, toutes les quantités sont absolument gigantesques, quoi. Si t'es pas américain, tu te dis, bah, en fait, c'est mon repas pour 4 jours, quoi. Ça, je me rappellerai toujours. Je sais pas si ça t'est arrivé avec tes logeurs en Airbnb. Laura, il y a eu la gentillesse d'une dame qui m'a hébergée, qui faisait des brownies et qui m'en a donné une part. Elle m'a servi une énorme part et donc je l'ai fini parce que c'était mangeable. Et elle me resserre une part. J'ai fait non mais c'est bon, ça ira. Elle fait mais oui c'est vrai, les Français vous mangez rien. Genre, d'accord. C'est peut-être pour ça que je pèse pas 150 kilos. C'était des trucs. Mais eux c'est normal. Ouais. Mais je sais pas si ça t'est arrivé Laura avec tes logeurs. Non, parce qu'on mangeait rarement dans les Airbnb, parce qu'ils étaient assez éloignés du centre-ville, on voulait vraiment profiter de toute la journée, soirée, mais enfin, oui, il y en a qui nous proposaient à manger, mais du coup, on déclinait l'offre. Et vu qu'on parle des restaurants, ça tombe très bien pour la transition, pour mon troisième point. Transition ! J'aime les transitions ! Attention, Troisième raison de ne pas vivre aux États-Unis, les taxes. Ça, je pense que tu as dû l'expérimenter, Audrey. Chaque État, c'est différent, c'est un casse-tête. En plus, ouais. En fait, quand vous allez au restaurant, que vous achetez quelque chose en magasin, il y a un prix qui est indiqué, par exemple, sur le menu ou sur l'étiquette. Mais néanmoins, quand vous passez en caisse, les taxes se rajoutent ensuite. Donc, en fait, vous ne voyez pas le prix à la base. Vous avez la surprise après. Eh, t'as les tips aussi au resto. Ouais, en plus, tu dois donner au serveur, ouais. Donc en fait, au restaurant, t'as la double peine en fait de pas savoir ça va être quoi ton prix final. Plus après, faut quand même donner un tip, c'est obligatoire quoi. Enfin, y a pas. T'es obligé de donner un pourboire. Pourboire en fait. Hein. Oui, le tip c'est le pourboire. Après, il y a des petites applis bien faites maintenant où tu rentres le nom de ton état et ils calculent ton tax achievement. Et pour le tip, c'est pareil en fait. Le tip en général, c'est 10% de ta note au resto. Et donc t'as des petites apps pour faire des produits en croix. Attends, le pourboire, tu donnes même pas ce que tu veux. Non, il faut juste savoir que les serveurs, ils sont payés qu'avec les pourboires. Ah, de salaire dans le restaurant. Ah oui, ah bah ça ouais, change tout alors. Il y a un salaire minimum, mais il est extrêmement bas. Genre. C'est 4 ou 5 dollars, ça, c'est ridicule de l'heure. C'est ridicule, genre, ça permet pas de vivre, clairement. D'accord, ouais, donc ah oui, ça change tout. Et bien, c'est qu'en fait, il faut être bon en maths pour aller au resto si tu veux pas te faire avoir, quoi. Enfin, si tu veux établir un budget, du moins. Enfin, parce que sinon, au pire, quand t'es riche, voilà. Tu t'en branles. America, j'ai fait un resto. Tu fais une équation avant de partir au resto, tu te prends la tête, quoi. C'est ça. Donc, troisième point, les restaurants. Quatrième point, c'est un peu le pays des extrêmes, en fait, finalement. Enfin, comme on a pu le souligner, c'est des grosses quantités. Comment dire, c'est un pays tellement grand que d'une grande ville à l'autre, il y a plusieurs heures de route. Ça, je l'ai souligné aussi. C'est tout est dans l'extrême en fait. Enfin, dans les grandes villes, tout est immense. Enfin, à New York, les buildings sont incroyablement grands. Mais par contre, quand tu vas en campagne, c'est vraiment la grosse campagne. Enfin, c'est tout est extrême en fait. Mais c'est ce qui fait un peu sa richesse aussi d'un autre côté. Mais des fois, c'est trop en fait. Il y a trop de capitalisme aussi. Enfin, quand tu te retrouves à Times Square, tous les panneaux sont allumés de partout jour et nuit. Quand tu rentres dans un magasin, d'ailleurs les magasins ils ouvrent jusqu'à 22h, 23h hein. Quand tu rentres dans un magasin le soir, juste au moment de sortir, t'as l'impression qu'il fait jour dehors, mais non, c'est les panneaux publicitaires. Et vous le voyez hein, cette image de Times Square à New York où c'est le croisement de la rue là où en fait où t'as vraiment l'impression d'être dans une publicité quoi. Et c'est assez dans un sens c'est waouh et tout est fait pour être waouh aux États-Unis dans les grandes villes. Oui, tu le disais, les buildings c'est les plus grands, les machins, bon, même s'ils ont été rattrapés par d'autres pays après, mais tout est fait. Tu vas à Las Vegas c'est pareil quoi, c'est un truc, on est à Walt Disney, comment ça s'appelle, Disneyland x 1000 quoi. Ouais, c'est ça. Fin. Mais aussi, ouais, même les voitures, tu croises que des 4x4 de partout, même en plein centre-ville, même en plein Manhattan, en plein New York. Enfin, c'est que des 4x4. C'est ça. Les plus grosses, les plus grandes, les plus lourdes. Plus de bruit. Ouais. Je pense qu'ils ont un problème d'ego. Hein. Oui, clairement. Non, mais en vrai, ils payent rien l'essence, donc ils s'en foutent. Ah oui, alors pour les voitures, c'est vrai. Rien. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais bon, cela dit, et puis bon, les rues américaines sont plus larges qu'en France aussi. Il y a une histoire de topographie et puis de route, etc. Mais cela dit, il y a quand même cette volonté d'avoir la plus grosse. Exactement. Ouais, et les concours, c'est pareil. Quand ils se bouffent des hamburgers, des machins, des trucs. Ah oh, là. C'est notre culture. Je sais pas si ça t'a fait cette impression, toi, Laura. J'ai beaucoup conduit aussi comme toi. En fait, peu importe où tu vas, il y a la trace de la présence humaine. Moi, c'est ça qui m'a estomaqué. C'est j'ai fait je me suis enfilé des 8 heures de route, des fois, en une journée. Et peu importe où j'allais, j'étais dans le fin fond de la Californie, il y avait une clôture, il y avait un poteau téléphonique, il y avait une cabane. Enfin, partout où le regard se pose, il y a une trace de la présence humaine. Enfin, j'ai pas eu cette sensation-là en fait. Enfin, quand t'es vraiment genre en plein milieu de la Pennsylvanie, c'est très campagne douce, je trouve. Enfin, c'est peut-être d'autres endroits différents qu'on a parcourus, à mon avis. Mais moi, j'ai pas eu cette sensation-là. Enfin, vraiment, quand tu t'éloignes des villes, des fois, t'as rien de rien, quoi. Enfin, je veux dire. Ouais, t'as rien, mais jusqu'à un moment où il y a une culture, une clôture. Tu vois, genre, c'est pas forcément de l'humain qui y habite, mais tu vois que l'humain y a mis sa marque. Bah, en France, mais c'est est-ce pareil. Que c'est pas dû au fait que ce soit en bord de route aussi, c'est ça? C'est parce que c'est plus accessible pour les bords de route. Mais si vraiment tu t'éloignes des routes et que, je sais pas, t'es en plein milieu d'un champ. Ouais, peut-être que ça dépend des États parce que c'est tellement vaste, tu le disais hein, tout à l'heure, Laura, c'est que les États-Unis sont tellement vastes qu'à mon avis, il doit y avoir des États où en fait tu dois. Enfin, tellement disparate que tu dois avoir des États où il n'y a pas grand chose. Et puis par contre, des États. Bah, toi, Audrey, c'était plus la Californie. Californie, il y a tout quoi. Ouais, pourtant, je suis allée dans des coins vraiment paumélandes, hein, clairement. Ouais. Mais moi ça m'a marqué vraiment, genre peu importe. Bah déjà t'es sur une route au milieu de nulle part, donc déjà t'as l'asphalte quoi, je veux dire. Et t'as pas un coin sauvage à part les parcs nationaux, et encore les parcs nationaux sont hyper aménagés. Oui, mais bah oui. T'as pas un, enfin moi là où j'ai posé le regard, j'ai pas vu un endroit de nature sauvage. Ça t'avait marqué ça aussi, Audrey, le fait que tout soit aménagé en fait, au-delà de présence humaine, mais aménagé, plutôt bien aménagé en fait. Enfin, aménagé, ah oui, aménagé. C'est vrai qu'ils ont, ils nous éclatent par exemple niveau aménagement handicap. Je sais pas si pour toi tu l'as vu aussi, Laura, mais je l'ai genre. Pas remarqué, je t'avoue. Tous les parcs nationaux sont hyper bien adaptés, même le plus petit parc du fin fond de la quête de Reka, peu importe. Il y a un parcours pour les handicapés, il y a des toilettes accessibles, il y a des. Ils ont aussi beaucoup plus d'handicapés que chez nous, du fait qu'ils ne soient pas couverts pour les soins. Oui, c'est vrai aussi. Mais tu dis, oui, mais du coup, ils ne couvrent pas leur population. Mais à côté, tu as le droit de te promener en forêt avec un fauteuil roulant. Ah, c'est ça, en fait, vous pouvez devenir facilement handicapé, mais par contre, on s'occupe de vous après, il n'y a pas de souci. Devenir handicapé, ce n'est pas un problème. C'est ça. Rassurant, je ne sais pas, c'est vraiment bizarre. Après, comme leur histoire est extrêmement moderne, évidemment, tout ce qu'ils ont construit, c'était avec des normes modernes, entre guillemets, genre on met le curseur du moderne là où on veut, mais du coup, c'est tout ce qui est nouveau, c'est aménagé, c'est pensé, c'est... Et puis comme il y a la place, bah tu fais en XXL, c'est pas un problème. C'est ça, et puis l'aménagement du territoire, tu le disais, même si c'est de l'histoire moderne ancienne, mais les villes ont été conçues sous un tout autre modèle qu'en Europe. Ah oui, bah, les quadrillages, là, oui. Bah oui, oui. Laura, t'avais un dernier point. Il y a de la place aussi pour de l'aménagement. Oui, t'as dit, tu me parlais. T'avais un dernier point ou c'était le dernier? Non, j'avais un dernier point, mais je ne voulais pas interrompre ces jeunes hommes et jeunes dames qui discutaient des United States of America. J'ai mon dernier point, mais ce sera sous forme de devinette. Parce que mon cinquième point, ça parle des douanes. Par contre, je t'en ai déjà parlé, Audrey. Oui, donc, je ne dirai rien. Voilà, tu ne dis rien. C'est une petite anecdote que j'ai eue aux douanes. Alors, je vais vous poser la question. Pourquoi je me suis retrouvée le jour de Noël 2018 coincé à la douane à regarder Forrest Gump? Pour voir si t'es pas un terroriste. Ah non. Oui, ça pourrait être ça. Bah oui, non mais parce que c'est vrai qu'il faut prouver que tu n'es pas terroriste quand tu vas sur le sol américain. En fait, tu coches la case. Tu coches la case, ouais. Oui, je ne suis pas un terroriste. D'accord, ok, donc du coup ça passe. Ah ouais, mais là, remplir l'ESTA, c'est très très drôle parce que tu dis, oula, si je veux faire une blague, ça va pas non, passer. Vaut mieux pas s'y risquer. C'est le genre de pays où non, tu commences pas comme ça, surtout quand je suis pas terroriste, mais j'aime bien faire exploser des trucs. Ça passe comme blague. Du coup, mais oui, c'est. Je sais pas, t'avais quelque chose qu'il faut pas dans ta valise? C'était pas ça. Enfin, pour vous donner encore d'autres indices, en fait, je vous avais dit qu'on avait été aux chutes du Niagara avec mon copain. Oui. Y avait sa sœur aussi qui était là. Donc, en fait, on a traversé, dans un premier temps, la frontière États-Unis-Canada, bien passé. On a passé la journée côté canadien, parce qu'il faut savoir qu'en fait, les chutes du Niagara, elles sont sur les deux côtés, en fait, des frontières. Mais côté États-Unis, on voit pas grand-chose par rapport au côté canadien. Donc, on voulait aller côté canadien. De ce fait, nous sommes allés côté Canada, mais le retour le soir ne s'est pas bien passé. Ah, c'est la guerre Canada-États-Unis ? Non. Quelle guerre ? Je sais pas, les Canadiens, ils sont canadiens, ils sont pas autre chose ? Ils sont gentils. Oui, non, ils sont gentils. Il y a pas de conflit entre les deux, mais... Ils boivent du sirop d'érable. T'avais ramené du sirop d'érable ? Non. Ça aurait été très drôle. Bordel, mais qu'est-ce que ça peut être ? Je ne sais pas. Je donne ma langue au chat. Sachant que Laura n'est pas partie toute seule, en fait. Ça fait partie de l'équation. Ouais, d'accord, ok. Parce que vous êtes deux filles et un mec ? Oui. Ah quoi, ouais ? Oui ? Pourquoi oui ? Non, mais pourquoi ? Pourquoi ? T'as dit ça au hasard, mais c'était ça la bonne réponse. Ouais. Oui, alors pourquoi ? Parce que ça passait pas. Non, en fait, je confirmais le fait qu'on était deux garçons. D'accord. C'est pas ça qui a bloqué. Ok. Non, c'est pas ça. Et bon, maintenant que vous avez bien galéré, je vais vous dire la réponse. Alors, moi, j'avais bien mon passeport et mon ESTA. La sœur de mon copain avait bien le passeport et l'ESTA, mais lui, il avait oublié son visa à la maison. Toujours les mêmes. Ok. Oui. Non, mais t'aurais pu le laisser là-bas, quoi, finalement. Et en fait, on pouvait même pas parce que du coup, c'était lui qui avait oublié son visa. Mais à la douane, ils nous ont pris quand même nos deux passeports à sa sœur et à moi. Donc en fait, on était coincés dans tous les cas parce qu'on venait de la même voiture. Et donc, on s'est retrouvés le soir de Noël à attendre deux bonnes heures dans la salle d'attente. Et dans la salle d'attente des douanes, il y avait Forrest Gump qui passait à la télé. Ah ouais, donc c'était l'occasion de le voir. Ok. Un Noël original. C'est ça. Un Noël original, ouais. Un peu flippant, j'imagine, quand même, parce que tu te dis qu'à quelle sauce je vais être mangé, quoi. Non, mais c'est ça, ils ont mis du temps à retrouver son dossier, mais du coup, ce que je voulais souligner en plus, c'est horrible de regarder la télé aux États-Unis, parce que c'était la seule fois où j'ai regardé la télé, d'ailleurs, et en fait, il n'y a pas de coupure pub comme nous, on l'a en France. Enfin, nous, on nous prévient, en fait. Genre, tu peux pas aller faire pipi ? Enfin, si, il y a une coupure pub, mais ça te prévient pas. Donc, en fait, j'étais en pleine scène, je sais plus trop, Forrest Gump, il était devant sa maison, tout ça, en campagne. Et d'un seul coup, je voyais une scène où il y avait une femme qui était en train de courir au milieu d'ordinateur. J'étais en mode, mais y a pas ça dans Forrest Gump. Le film. Ah oui, tu veux dire qu'il n'y a pas de jingle pub, en fait ? Il n'y a pas de transition. D'accord. Non, mais ça passe direct à la pub. Donc, en fait, t'es totalement coupé dans l'action. Ouais. Et Et tu sais, ça te sort de nulle part. Non mais ils sont sérieux là. En fait, c'était une pub pour je sais pas HP ou Dell, enfin, et un truc d'ordinateur quoi. Mais ouais, j'étais choquée. Je pense qu'ils ont fait du placement de produit dans le film en fait. Et non, c'était la pub. Ouais, c'est comme si c'était une scène en une scène supplémentaire du film qui intervient comme ça et tu te rends compte. Mais c'est intelligent parce qu'en fait, t'as regardé la pub quoi. Ah ouais, mais enfin, c'est très intrusif, je trouve. Je sais pas si on peut dire intelligent, mais oui. Surtout quand c'est complètement anachronique comme ça, enfin, il y avait aucun sens. Donc voilà, mes 5 raisons de ne pas vivre aux États-Unis, la nourriture, les transports en commun, les taxes dans les restaurants, le capitalisme, les extravagances et la douane qui est très très dure. Mais avant de partir, j'ai préparé des blagues pragmatiques parce que j'ai voulu dire que ça a plu à la populace. Les blagues pragmatiques. Alors, on rappelle le concept de la blague pragmatique pour pas que vous soyez surpris si c'est la première fois pour vous. Laura. Oui, oui, les blagues pragmatiques, en fait, c'est des blagues, mais qui sont pragmatiques, enfin, qui sont vraies. C'est pas une blague. En fait, c'est une affirmation, c'est... mais qui rigole. C'est pas forcément une chute à la blague, quoi. C'est-à-dire qu'il y a la blague et on attend. C'est ça. J'ai une première blague. C'est l'histoire d'un Américain, d'un Allemand et d'un Français. Ils sont dans un bar. Et puis, ils commandent une pinte. Et après, ils discutent et ils rigolent bien car ils sont amis. Les blagues pragmatiques, c'est pas vraiment des blagues, mais c'est pragmatique. Oh là là, t'es la mieux. T'es la mieux. Est-ce qu'on s'en fait une deuxième? Allez, oui. J'en ai trois. J'en ai préparé trois, hein, sérieusement. Donc, deuxième blague. C'est l'histoire d'un gars. Il rentre dans une école et il tue tout le monde car le port d'armes est légal aux États-Unis. Les blagues pragmatiques. Les blagues humour noir pragmatiques. Ouais, j'ai un peu dédié dans l'humour noir, j'avoue. Oh non, Laura. Et j'ai une dernière blague. Et en plus, à la fin de la blague, j'aurai une information culturelle à partager. Ah. C'est l'histoire d'un pays qui a été envahi par des colons européens et qui ont tué des milliers d'Indiens. Quel est ce pays ? L'Amérique ? Les États-Unis ? Oui, bien joué. Oh, merde. Les blagues pragmatiques, c'est pas vraiment des blagues, mais c'est pragmatique. Je crois qu'on va en faire et un jingle. On apprend l'histoire aussi. Voilà. On va en faire un jingle. Petite question pour vous. Est-ce que vous connaissez l'origine de Thanksgiving? La fête d'ailleurs qui va bientôt avoir lieu, à savoir le 26 novembre aux États-Unis. Oui, où on mange de la dinde. La dinde. Et c'est l'occasion de se révéler en famille tous les bienfaits que l'on peut, enfin tout le bien qu'on peut penser des autres, c'est ça en gros. Ouais, c'est la fête la plus dégueulasse. Mais oui, c'est oui, l'idée est comme ça, mais en plus d'un petit côté colonial, bien dégueu. Exactement. Parce que si on décortique le mot, c'est Thanksgiving. Merci donc, d'avoir donné. Merci d'avoir donné. Et que s'est-il passé dans les années 1600 ? Ah, les bâtards. Il y avait les petits colons européens qui entraient dans les terres nord-américaines et qui avaient fort froid. Ils avaient fort froid et du coup, on leur donna des couvertures. Et en fait, les Amérindiens, ils ont vu que les colons y galéraient et ils ont dit « Oh, mais si vous voulez, on peut vous montrer comment bien chasser, comment bien se chauffer, faire un bon feu. Oh, mais bien sûr, mes chers amis indiens, montre-nous » Et voilà, depuis ce jour, c'est Thanksgiving, mais après, ils les ont tués. Oui. Voilà. Oui, parce qu'on n'en voulait pas trop quand même. Parce que ils sont gentils, mais un peu. Pouf, non, on n'a pas envie de. Et puis on pouvait même pas les esclavagiser, alors ça servait à rien. Voilà. Et oui, voilà comment c'est fait. Non, mais les enfants, si vous nous écoutez, voilà comment c'est fait l'histoire de l'Amérique. Malheureusement, oui, c'est enfin, un peu voilà moins beau qu'à la télévision. C'est une histoire quoi. Coloniale tout court. Hein, oui, bah oui, non, c'est vrai qu'on pourrait élargir, oui. Mais voilà, il n'y a pas que du bon, n'est-ce pas? Mais enfin, voilà, pour terminer sur une note un peu plus légère, bon, il y a beaucoup de défauts aux États-Unis, c'est certain. Mais moi, quand j'y suis allée, en tout cas, j'ai beaucoup sympathisé avec des personnes là-bas, des habitants des États-Unis, des Américains. C'est un pays quand même qui reste très ouvert sur le monde, enfin pour la partie non-Trumpiste, et qui a beaucoup de choses à offrir d'un point de vue touristique. D'accord. Oui, parce que par la grandeur du territoire, et d'ailleurs, dans 3 minutes, on va parler de cette grandeur territoriale avec le quiz que je vous ai réservé, le quiz géographie. Ce sera après Jonas Sell avec Chapter 1 sur Indestar. Et moi, je vous donne 3 lois américaines, et j'en ai tellement pour vous, 3 lois américaines complètement débiles. Et t'as 17 secondes pour les dire. Pardon ? Et t'as 17 secondes pour les dire. 17 secondes pour les dire. Et ouais. Par exemple, en Alabama, vous n'avez pas le droit de conduire une voiture si vous avez les yeux bandés. Bon, là, jusque-là, normalement, c'est pragmatique. Hein. Mais pourquoi une loi sur ça ? C'est ça, la pourquoi question. Faire une loi sur ça, on se demande. Par contre, vous pouvez pas jouer au domino le dimanche, ça c'est illégal. Il y a beaucoup de choses qui sont illégales le dimanche. Et enfin, en Alaska, vous avez le droit de tuer des ours, mais les réveiller pour prendre des photos, c'est illégal. Indestar. Indestar, là où tout commence. Bienvenue sur Indestar, indestar.fr, toutes les applications d'écoute en ligne pour cette émission du lundi, émission à la maison et émission sur le thème des États-Unis ce soir. On a traversé l'Atlantique pour vous avec tout ce qui est sympa, ce qui est moins sympa aux États-Unis. On a parlé des élections, on a parlé de choses qu'on aime moins. Et là, on va parler géographie avec un petit quiz que je vous ai réservé. Alors, vous pouvez jouer à la maison, vous prenez une feuille, un stylo, on joue en famille ce soir. Pour ce qui concerne l'équipe d'Indestar, Teddy, Laura, Audrey et Martin vont s'affronter. Voilà, donc vous allez voir que le quiz, il y a des réponses, des questions plus faciles que d'autres. Il y en a certaines où il y a des propositions et d'autres, c'est juste des vrais ou faux. Voilà, le niveau est plutôt moyen, on va dire. Mais pour vous donner un petit peu la pression, sur 11 questions, ma sœur en a 8 de bonnes. Voilà, donc wow. Faites mieux que ma sœur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc, Teddy, Laura, Audrey, Martin, première question, et vous à la maison, vrai ou faux, on commence par une, allez, presque facile, Washington DC n'est pas de là-bas. Vrai ou faux ? Vrai ! Hein ? Vrai pour Teddy ? Je Washington DC n'est pas de là-bas. Vrai ou faux ? Faux. Vrai. Ah. Bah vrai du coup. On a vrai pour tout le monde. Ah, mais pas d'ici. Ah, d'ici en bois. Ouais. Ok. Non, Washington DC n'est pas de là-bas. Ah bah vrai. Vrai. En vrai pour tout le monde. Faut se triturer le cerveau. Oui, alors j'ai voulu. Non mais je vais vous expliquer pourquoi c'est vrai, parce que c'est la bonne réponse, puisque la ville de Washington DC se trouve à l'est, alors que l'État de Washington est à l'ouest et non, même au nord-ouest. Je pensais à ça, donc j'ai dit comment. Mais non, c'est. Enfin. Si c'était cherché. Mais Martin a raison, ça fait très les blagues pragmatiques. Ouais. Mais, j'avoue. ça fait un point chacun pour commencer. Bon, ça vous aurait fait triturer à l'esprit, mais vous avez tous un point. Alors là, vous avez 3 propositions. Si je vous parle de Pessac, est-ce que pour vous, Pessac, c'est un comté, c'est une montagne ou c'est un fleuve ? Pessac, moi, ça me fait penser au sud. Ouais, voilà, c'est une ville en France. Alors, c'est en France aussi, Pessac. Hein. C'est une Nordeste ou je sais pas quoi, mais c'est... là, c'est aux États-Unis. Un comté, une montagne ou un fleuve ? Montagne, fleuve... Rappelle, comté, fleuve ou montagne, c'est ça ? C'est ça, voilà. Alors Audrey, tu dirais... Pessac, un comté ? Pour toi, ça serait un comté, d'accord. Laura ? Une montagne. Une montagne pour Laura. Pour Teddy ? J'aurais dit une montagne aussi. D'accord, et pour Martin ? Et moi, j'aurais dit un comté. D'accord, bah, vous avez tout faux, parce que c'est un fleuve. Ok, voilà. Et c'est où ? Un petit fleuve qui fait 129 km de long seulement. J'ai plus la localisation, mais il est pas là. Il est en Amérique. Il est très pointu. Hein. Il est en Amérique. Oh, vous aviez une chance sur 3, mais pas de chance, là vous avez tous faux. C'est dommage. Vrai ou faux ? Ah là, une chance sur 2. La Caroline du Nord est un état et le nom de la mère de Laura dans la petite maison dans la prairie. Oh vrai non, mais ça c'est de la triche. De quoi ? Elle s'appelle Caroline du Nord ? La Caroline du Nord, c'est un état et le nom de la mère de Laura dans la petite maison dans la prairie. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Mais Caroline du Nord, c'est pas un nom. C'est vrai, sinon je vois pas où est-ce que tu serais allé chercher ça. Martin, t'as dit vrai aussi ? Ouais, sinon je vois pas où est-ce que tu serais allé chercher ça. D'accord, Audrey ? Vrai. Ok, et Laura ? Vrai, parce que je suis très influencée. Bah tous vrais alors. Effectivement, c'est une vraie réponse. La Caroline du Nord, c'est un état. Hein. Il y a Caroline du Nord et Caroline du Sud. Et le nom aussi de la mère et de Laura, la mère de Laura et de comment elle s'appelle, Marie, dans la petite maison dans la prairie, qui vit au Minnesota, qui est un état du Nord, donc la Caroline du Nord. Voilà. La mère s'appelle bien pas tous. Caroline, ok. Donc ça fonctionne. Voilà. Attention, question à la Burger Quiz. Phoenix, c'est un groupe en de Arizona. Musique, une ville ou les deux? Bah, les deux. Les deux. Ouais, les deux. Même t'es dit j'ai dit les deux. Les deux aussi. Et ben effectivement, c'est une bonne réponse. Donc, c'est pour le groupe de musique, c'est un groupe de Versailles, un groupe français, Everfield Better. Et puis, une ville de plus d'un million 300 000 habitants. Tu disais la localisation. C'est en Arizona, de Phoenix. En Arizona, ok. Grande ville. Hein. Vrai ou faux, l'Arkansas se situe aux côtés de l'Alabama. Ah bah je vais attendre que Laura et Audrey parlent. Alors Teddy, ah merde. L'Arkansas, est-ce que ça se situe aux côtés de l'Alabama? Bien sûr que non. Non, pour toi, ça se situe pas aux côtés de l'Alabama. Bah Martin, non, c'est sûr que non. C'est logique. Je vais dire oui pour... pour contrecarrer Teddy. Pour contrecarrer Teddy. Laura. Arkansas et Alabama. In Alabama. Je dirais que c'est vrai. D'accord. Et Audrey? Non, moi je dirais que c'est faux. Ouais. Effectivement, t'as raison, Audrey. C'est pas très loin, mais le Mississippi les sépare. Oh, le et Mississippi, oui. Où il y a Tom Sawyer. Oui, exactement. C'est l'Amérique. Symbole de la liberté. Oui. Si je suis au nord. Non, si je suis dans la Virginie occidentale, pardon. Si je suis dans la Virginie occidentale et c'est que je veux me rendre dans le Wisconsin, est-ce que je vais par le nord? Le nord-ouest ou le nord-est? Attends, je viens d'une occidentale et je veux me rendre dans le Wisconsin. Le nord. Déjà, tu prends la départementale. Tu tournes au KFC après. À droite. C'est ça, après, tu bifurques. Il ne va pas au Wisconsin. Donc, déjà, je dirais réponse B. Alors, Audrey, tu dirais. T'as dit nord, quoi, nord, nord-est, nord-ouest ou nord-est? Bah, nord-ouest, t'es dans la mer, non? Je sais pas. Ouest. Nord-ouest. D'accord. Nord-ouest, Martin, c'est un peu comme ça. Oui. Nord. La réponse D. Ouais, je dirais la réponse B. D'accord. Laura. Nord-ouest. D'accord. Et Teddy? J'ai pas envie de leur faire confiance, je veux dire nord-est. D'accord, et bah Teddy, t'aurais dû leur faire confiance parce que il s'agissait du nord-ouest. En fait, je passe par l'Indiana qui est à l'ouest, l'Illinois qui est aussi à l'ouest, et ensuite je remonte pour arriver au sud du Wisconsin. Et du coup, il y a qui a dit nord-ouest? Et ben tout le monde sauf toi. Ah bah merde, d'accord. Ok. Septième question, l'Oregon est un état de l'est des États-Unis? Une marque de produits électroniques ou les deux? Un état? Juste un état, ouais. Alors. Les deux? Je dirais une marque de produits électroniques, moi. Moi, les deux. Alors, attends. Martin, marque de produits électroniques. Teddy, tu m'as dit les deux. Laura, pour toi, c'est un état de l'est des États-Unis, c'est ça? Oui. Et Audrey aussi. Oui. Eh bien, il n'y a que Martin qui a bon. Puisque l'Oregon est un état de l'ouest des États-Unis et non pas de l'est. Bah oui, voilà. Les gars, enfin. Donc, par contre, c'est une marque de produits électroniques, l'Oregon scientifique qui fait des calculatrices, des trucs. Voilà. Et... Il y avait un piège. En vrai, c'est le malin, mais je vous avoue, j'ai ouvert une carte. Non, mais là, t'es juste qualifié, gars. Non. C'est ça, oui, c'est ça. Bon, tu l'as vu, la moitié pardonnée. On ne refait plus. Attention, okay, vrai ou faux? La Louisiane est une ancienne colonie française. Oui, vrai, parce que c'est Louis XIV. Ouais, ça sent vrai, hein. Bah oui, bah du coup, vous avez donné la réponse. Effectivement, c'était... Bah même, Louisiane. Il n'y a qu'en France qu'on peut inventer des noms de merde comme ça. La Louisiane, mais il y a Louis dedans. Bah ouais. La neuvième question. Attention, trois propositions. Ouais. La ville de Cleveland, dans l'Ohio, compte 363 000 habitants, 373 000 habitants ou 383 000 habitants. Oula. Ah bon, on va demander. Vas-y, répète Laura. Tes chiffres. 363, 373 ou 383 pour toi, Laura? 373 parce que c'est que des chiffres impairs, ça m'inspire. D'accord. Audrey. Ah, c'est une super grande ville, je dirais le plus grand chiffre. On a 383 000 habitants, ouais. Bon, ça reste petit hein, dans l'absolu quand même. Ouais, mais quand même. Enfin, je veux dire. Martin. Bah, je dirais 363. D'accord. Oh putain. Et Teddy. Vous êtes tous pas d'accord. Oui. Voter pour la majorité, Teddy. Bah ouais, bah je vais comme Audrey, le plus grand. 383 000, c'était une bonne réponse, effectivement. Mmh. Merci la Audrey. Compte 383 000 habitants. Bah, c'est une grande ville quand même. Ouais. Moi, en même temps, on était à 10 000 près, hein, donc. Oui, mais bon, je sais pas, comme ça. Je... Puis si ça se trouve, entre temps, il y, y a eu un attentat et bon, bref. Vrai ou faux? La série de Breaking Bad a été tournée le Colorado. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est vrai. C'est entièrement faux. Non, bah c'est faux alors. Martin. Martin, pour toi, c'est faux? Ouais. D'accord. Teddy. Ça doit être faux parce qu'une série, c'est pas toujours tourné toujours au même endroit. Des fois, il y a des trucs qui sont pris ailleurs. Non, mais en majorité. Moi, je dis faux quand même. D'accord. Audrey? Moi, je fais confiance aux gens. Je l'ai pas vu, donc je dirais faux. D'accord. Et Laura? C'est faux. Et je dirais même plus, et peut-être que tu pourrais m'accorder un point pour ça, c'est dans le Nouveau-Mexique à Albuquerque. La meuf, elle négocie quoi. Moi aussi, je veux le point. Alors, Laura, merci pour ta culture et ta précision. Effectivement, c'est au Nouveau-Mexique. Et tu avais même la ville. C'est cool, mais ça ne te rapporte pas de points. Voilà. J'ai tenté. Enfin, 11e et dernière question. Vous allez voir, celle-là, elle va plaire à Teddy. Enfin, j'espère. Oh. Imaginons que je suis à Rhode Island et que je veuille aller voir une amie qui se situe dans le Colorado. Combien devrais-je faire de plein d'essence pour y arriver, sachant que je roule en Ford Mustang Fastback de 1968, à deux près. Le mec a regardé le dernier épisode de... Alors, oui. Mais pas que. Imaginons que je vais y aller. Vous êtes à deux près. Pour toi, Martin, combien de plein dois-je faire? Je rappelle, je suis à Rhode Island et je veux aller voir... Rhode Island, mais je sais même pas où c'est, ça. Ah bah... Tu te démerdes. Ça sentait ça. Pourtant, j'ai toujours ma carte sous les yeux. T'es sérieux, mec? Ah, ok, j'ai. Mais il faut... Hey, regarde ça. Mais vas-y, c'est dans le fiche. C'est quoi ce stagiaire, là? Bah vas-y. Il y a vu d'œil. Fais partager le... Alors, je vais demander pour débuter à Teddy, tiens. Pendant que Martin calcule avec la carte. Bah, y a combien d'heures entre les deux? Je sais pas. Tu sais pas? Je sais pas où c'est en fait. Donc, je peux même pas faire de calcul. Comment veux-tu que je. Allez, combien de pleins à deux près? À deux près, allez, on va dire. 5. D'accord. Laura? Oh, je vais voir. Extrême. Je vais dire 10. Ok. De Rhode Island à où tu m'as dit? De Rhode Island jusqu'à aller dans le Colorado. Elle a été chercher une carte. Ça boit de ouf, en plus, une fastback. Mmh. Oui, c'est vrai. Ah bah attends, je vais changer. mais on est beaucoup chargé, on a des enfants à l'arrière ou pas? Comment non, ça se passe? On est tout seul et on a un affaire pour aller voir. Est-ce qu'on est arrêté à chaque aire d'autoroute pour être un fast-food aussi? On s'en fout parce non, que. Non, mais tout le monde téléphone. Et quelle musique on écoute aussi au volant, c'est important. La conduite. Écoute un Vesta, bien sûr. Est-ce que t'as une éco-conduite? Martin. Est-ce que la question c'est est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'on a les pneus usés? une bonne vingtaine, allez. 20, oh, d'accord, putain. Ok. Et Audrey? Ah bah, je vais dire entre Laura et Martin, 15. Mm-hmm. T'as combien de contenance dans ton. Et ton réservoir? Il va pas dire. Alors, maintenant, je vous donne la réponse, et seule Audrey a la bonne réponse, puisqu'il à de près, hein, il fallait environ 13 pleins pour y arriver. Oh là là, j'étais presque. Merci. Quoi, nous avons un réservoir de 65 litres, donc ce qui peut paraître plutôt pas mal, sauf qu'on a une moyenne quand même de 25 litres au 100. Donc on fait environ 260 km par plein, sachant qu'il y a 3200 km à parcourir, soit, pour être tranquille, 13 pleins. Voilà. Tiens, c'est pour avoir ouvert une carte, ça. Veux-tu le décompte des points? Oui, alors attends, parce je que j'ai fais, compté. J'ai compté. Je fais. Tu peux combler, Teddy, pendant que je fais mon petit calcul. Ouais. Alors, c'est Audrey qui est en tête. Avec 9 points. Oui. Audrey, t'as gagné, t'as 9 points. Ah bon ? Ah d'accord. Okay. Après, ah, j'ai... Oh, en plus, j'ai battu ta sœur, Théo. Oui. Oui, 9 points pour Audrey, première place, ouais. Ensuite, on a une égalité, normalement. Égalité. Une carte, Martin. Entre Martin et Teddy. Ouais, a, alors on je devrais un avantage pour Teddy parce que. Je n'ai pas de carte. D'accord, d'accord. Mais Martin, t'as triché sûrement. C'était pas pour tricher, c'était pour. Ouais, c'est vrai quand on est coupable. Évidemment. Et enfin, dernière, dernière place pour Laura, 5 pour fermer la marche. Laura. Ça, ouais, non, 6, 6. Je suis un peu plus calé. 6 points pour Laura, s'il te plaît. Angleterre, en fait. Oui, ben, voilà. Pour Angleterre, c'est ça. Donc, et ça vous tente, vous les garçons, de partir un jour aux États-Unis ? Ah, carrément. Franchement, carrément, pas du tout. Reste. Hors de question. Pourquoi ? Ouais, moi, je suis. Pourquoi ? Je suis allé faire un tour à New York déjà, moi. Ah, et oui ça t'a plu ? Ouais, c'était grave cool. Je suis parti 2 semaines là-bas. Waouh, ça et devait être court. Ouais, un peu, mais en vrai, si tu te lèves à 7h le matin et que tu rentres à 22h, t'as le temps de tout faire. Oui, t'as grave le temps en 2 semaines hein, de faire le tour. Donc ah, t'as visité, par contre, oui, j'ai fait tout en long et en large. Ouais, ouais, ouais. Visiter la ville de New York. Oui, alors pourquoi t'es dit pas les États-Unis ? C'est par principe ? Oh, il y a tellement de choses qui pourraient être par principe. Non, non, c'est il y a pas grand-chose qui m'attire sur la culture américaine. Et je dirais même, il y a beaucoup de choses qui me rebutent sur la culture américaine qui fait que je n'aurais pas très... Enfin, j'ai pas très envie d'aller là-bas. Je préfère m'intéresser à d'autres cultures, comme la culture japonaise ou quoi que ce soit, ou que là-dedans, je baigne en permanence. Je suis beaucoup plus intéressé par ce type de culture que la culture américaine. Notamment pour leurs excès dans tout, comme tu l'as dit Laura, dans les 5 points pourquoi faut l'Amérique c'est bizarre, enfin c'est chelou, je sais plus. C'est toujours en excès, et puis je sais pas, j'aime pas les gens, et il y a trop de gens, j'imagine. Et non. Puis non, par leur loi américaine, par exemple, le fait que dans l'Arkansas, un homme a légalement le droit de taper sa femme, il n'y a pas de problème, et seulement une fois par mois. Voilà. Ah! Faut attendre le 15 chérie, du mois. Chérie, aujourd'hui c'est le 12. Je peux te taper, oui, bien c'est sûr. C'est jour de paye. Avec plaisir. Tu as le droit, mais pas demain par contre. Et dans l'Arkansas, toujours, les professeurs qui ont les cheveux coupés au carré n'auront jamais aucune augmentation de salaire. Donc voilà, vous êtes. C'est très discriminatoire. Non, je ne vois pas de quoi tu parles. Il y en a des tonnes, des lois américaines. Allez, je vous donne une dernière là avant. Avant d'écouter Boss Nation, en Californie, pourtant la Californie est un état plutôt ouvert, dirons-nous, il est légal pour un homme à Los Angeles de frapper sa femme, encore une fois, avec une ceinture en cuir, uniquement si celle-ci mesure moins de 2 pouces de large, soit l'équivalent de 5 cm, ou plus large si sa femme l'y autorise. Oh oui, j'ai rien. Et si la lune est pleine ? Ça va, si la lune est pleine. Non mais ça pourrait, ils auraient pu rajouter ça. Ils ont pas osé en Californie, mais c'est peut-être dans un autre dans un autre état. On aura des petites anecdotes justement des USC et de ce que tu as vécu, Audrey, dans un instant. Donc plutôt de la côte ouest, hein, Californie et tout ça. Et Californie. Mais avant ça, on a un. Je sais pas si les Californiens, Harry Styles, les Californiens ou pas. Aucune idée. D'accord, bon, il est de là-bas. Il est anglais, non ? Watermelon Sugar, c'est un bootleg et c'est Boss Nation qui mélange tout ça. C'est maintenant sur Indestar avant les anecdotes d'Audrey. De la musique en abondance. Indestar, là où tout commence. Et pas que, puisque nous sommes là ce soir, alors à la maison, hein, mais émission à la maison, mais confinée. Mais nous sommes là bien présents pour traverser l'Amérique, tout simplement, puisqu'on a décidé de vous faire une spéciale Amérique, une spéciale USA ce soir, avec des lois débiles, avec des quiz sur la géographie, avec des anecdotes marrantes. Et on en profite parce que finalement, dans l'équipe, on est plus nombreux à être allés en Amérique qu'à ne pas être allés. Alors, je ne savais pas que Martin avait été faire un petit coucou à New York il n'y a pas très longtemps. Effectivement. Mais donc toi, t'as passé 2 semaines, c'est ça, là-bas à New York ? Ouais, c'est ça. Que t'as visité en long, en large et en travers, finalement. Ouais. Laura, donc son petit voyage sur la côte est, donc du même côté que toi, Martin. Et toi, Audrey, tu es allée sur la côte ouest. Oui, j'ai visité une partie de la Californie, parce que cet état est très très grand. Et au départ, honnêtement, j'y allais pour voir mon meilleur ami qui vit et travaille à Stanford. Et c'était hyper intéressant parce que l'université de Stanford, elle est très connue et on en fait plein de fantasmes et c'était incroyable à voir. Et puis après, j'avais loué une voiture quand même pour être autonome et je me suis dit, je vais aller découvrir la Californie. D'accord. Elle est mignonne. Stanford, parce que tu nous dis, c'est un peu particulier parce que On n'a pas ça en France, en fait. Les universités, vraiment, dans des grands campus, comme on le voit aux États-Unis. Qu'est-ce que ça fait de rentrer à Stanford, par exemple? Est-ce que tu as l'impression d'être dans une grande université française? Ah, c'est clairement une ville dans la ville, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Tu rentres dans une ville à part entière, en fait. Tu rentres dans les élèves sont logés dans des espèces de petits immeubles en coloc. Ça a un nom particulier, ces maisons-là. Pas particulièrement. Mais en vrai, c'est leur chambre étudiante, hein, c'est pas... Dans les fraternités, tu veux dire? Oui, les fraternités, oui. Alors, les fraternités, c'est encore autre chose. En fait, il y a les undergraduate et les graduate. Undergraduate, c'est le lycée. Ouais. Et parce qu'ils n'ont pas exactement le même système que nous. En gros, undergraduate, c'est avant le lycée. Enfin, c'est le lycée, première année de fac, je crois. Ouais, et puis après, tu vas au collège. Ouais, et c'est ça. Après, tu vas à l'université, ouais, exactement, au collège. Et les fraternités, en fait, c'est que pour les undergraduates. J'en ai vu hein, sur le campus. Mais c'est encore différent. C'est des choses. Tu t'es pas forcément logé à la fraternité, même s'il y a des fraternités qui logent. Et les fraternités sont unisexes. Et ils font des grosses soirées. Ouais, ça, c'est vrai. Ça, c'est pas que American Pie. C'est pas que dans les séries et les films. Et les beer pong, c'est vrai. Oui, parce que moi, j'adore. Alors, je voyage déjà toujours toute seule. Et j'adore faire les clichés des pays où je vais. Et donc, j'étais contente parce qu'en Californie, j'ai fait beaucoup de clichés et c'était très cool. J'ai battu les garçons à la beer pong. Au beer pong, pardon. Avec les grands gobelets rouges, là. Mais tu vois pas de bière. Moi, je m'en fous, je le donnais à mes potes. Ah ouais, mais ça compte moins bien. Tu vises toujours correctement au début comme à la fin. J'ai joué au beer pong, j'ai gagné. Okay. D'accord, oui. Donc, ouais, mais t'as l'avantage de voir clair du début jusqu'à la fin. Et alors, c'est de la triche. Et pourquoi les gobelets rouges, justement, André? Parce qu'ils sont grands. C'est comme ça, c'est un truc. C'est grand. Dans les films, tu les vois. Et là-bas, tu les petits. D'accord. Drôle. Parce que c'est comme ça. Aller à une messe évangéliste. Le seul truc que j'ai pas réussi à faire, j'ai deux trucs que j'ai pas réussi à faire parce que j'ai pas eu le temps. C'est aller dans un stand de tir à l'arme, enfin de tir tout court. Oui, parce qu'on rappelle qu'aux États-Unis, le port d'armes est autorisé. Dans certains États. Ouais. Mais tout à fait légal. Et d'ailleurs, alors je sais plus, c'est en Caroline du Sud, il est même obligatoire, ça c'est une loi encore, hein, il est obligatoire pour chaque citoyen qui se rend à l'église de porter une arme. Sinon, t'es illégal si t'as. Si t'arrives les mains vides, c'est pas très respectueux. Hein. Non, tout à fait. Je l'ai pas vu dans la Bible, ça, moi. Non, mais bon, après, ça, c'est des lois. On n'a pas la même Bible, Amérique-France. C'est un problème de traduction. Ouais, c'est ça. C'est un problème de traduction, c'est ça. Donc, plein de petits clichés. J'ai évidemment mangé des Californiens en Californie. Parce que. Quoi ? Évidemment. Comment ça va ? Ça se mange pas, des êtres humains, t'es dit. Bah, pourquoi pas, je me dirais, c'est le seul pays où on peut manger des humains, mais non, pas la tête. Si vous êtes habitué des sushis et autres makis qu'on mange en France, il y a les California makis. Et ça n'a rien de japonais, ça a été inventé en Californie. Ouais, je sais. Donc je voulais absolument manger des Californiens en Californie, et c'est fait, parce que c'est rigolo. Et ça a le même goût que ce qu'on mange en France ou... Oui, parce que c'est très... Ils sont pas très doués en cuisine, quoi. La bouffe japonaise, ça n'a rien à voir avec ce que tu peux manger réellement au Japon. Ouais. C'est très standardisé, très neutre. Donc oui, ça a le même goût. Genre, j'ai été très contente. Pareil, ça, c'est aussi un de mes rituels. Comme je pars toujours toute seule, je pense aux copains quand même et je leur ramène toujours une fournée de choses les plus dégoûtantes que j'ai pu acheter. Le petit voyage. Du retour, ouais. C'est ça. On fait une soirée de retour pour débriefer le voyage et pour leur bouffer des trucs ignobles parce que sinon c'est pas drôle. Et j'ai été très fière de trouver le fameux spray en cheese. Le fromage en spray. Ah oui, comme dans les Simpsons. Et en vrai, c'est dégueu, j'imagine. C'est absolument monde. Ça n'a rien à voir avec le fromage, c'est absolument monde. T'as eu la chance d'en goûter, Laura, ou pas? Non, je n'ai pas eu la chance. Ça aurait été marrant à tester. C'est à mourir de rire, c'est trop bien. Est-ce que tu peux te vaporiser avec l'été pour te rafraîchir? Non, parce que c'est une espèce de chantilly Work. Est-ce que tu t'en sers comme mousse à raser? Ouais, c'est un peu ça, ouais, vraiment. Avec un espèce de vieil arrière-goût de cheddar industriel dégueu. T'imagines, ça fait un peu la bouffe de l'an 2000, comme on l'imaginait dans les années 60, tu vois, où on pouvait prendre la pub, machin, etc. Bah là, ça a du fromage en spray, quoi. Mais t'imagines, tu étais Théo dans les années 60, on a l'impression que t'en parles. Oui, dans les années 60, c'est vrai qu'on disait ça. C'est ce que je dessinais sur ma feuille, hein. Non mais c'est vrai qu'on imaginait les choses comme ça en l'an 2000. Genre j'ai vu des reportages Ina, ça va. Ouais, c'est ce que tu dis. Oui, c'est ce qu'on dit quand on est coupable. Et en fait, moi j'ai pas eu cette expérience que Laura avec la nourriture. J'ai même passé un super bon moment. Enfin, j'ai trouvé ça hyper bon. J'allais dans les taquerias le matin parce que ça me dérange pas de manger salé. Et parce que contrairement à la côte ouest, côte est, c'est beaucoup de Mexicains, d'Hispaniques qui sont installés. Et donc, ils ont des restaurants comme au Mexique. Ouais. Et c'est très... Et j'aime beaucoup. Et voilà. Et mais c'est tellement gros que moi, en fait, je me levais le matin à 7 heures. Enfin, je suivais le rythme du soleil, quoi. Je me levais à 7-8 heures. Mm-hmm. Je prenais la route. J'allais voir des trucs. Le midi, je mangeais. Et en fait, ça me faisait mon repas jusqu'au lendemain midi parce que j'en pouvais plus de ma vie. Mmh. Le soir, je grignotais une... Mais voilà, quoi, pas plus. Par contre, ouais, là, tu dis que tu mangeais mexicain, donc pas Amérique du Nord. Est-ce que dans les produits de l'Amérique, je pense aux trucs clichés, hein, mais bon, les hamburgers, les pancakes, ça... Ouais, les pancakes. Je me suis fait péter le bite aussi. Ouais, le beurre de cacahuète, le est-ce que qu'est-ce que tu préfères si t'avais un plat ou un dessert à choisir, Audrey? Ah, moi, ce que j'ai tout le temps mangé là-bas au petit-déj aussi, c'est les œufs bénédicts. C'est des œufs mollets avec une espèce de sauce blanche. Ah, j'adore ça. Oh, c'est vraiment, genre, je me suis fait une orgie d'œufs bénédicts, vraiment. Mais c'est pas j'adore américain ça. Comment? C'est pas américain. Là-bas, c'est rentré dans la culture. D'accord. Et quand même, petit déjeuner le matin. Oui. Ah ouais, j'adore ça. J'en mangeais tout le temps. D'accord. T'es si t'avais un plat américain que tu connais et que tu manges en France, ça serait lequel? Je sais pas, on va dire ça va être une pâtisserie, ça va être le cliché. Quand je vais à McDo, bon, j'y vais rarement de toute façon, hein, mais j'aime bien me prendre un donut sans dessert. Ah, les donuts, ouais. Ouais. Je sais même pas si c'est américain au final. Là, oui. Ouais, mais ouais, avec le glaçage et tout, et j'aime bien. Fourrage de choco noisette. Il y a beaucoup de sucre dedans, je saurais pas dire ce qu'il y a d'autre, mais il y a beaucoup de sucre. Bon, il y a pas que du sucre, à mon avis. Hein. Il y a d'autres saloperies, comme de la matière grasse ou ce genre de trucs, mais je sais pas vraiment avec quoi c'est fait. Et ça doit être faisable à la maison, mais je suis pas sûr. Ah oui, complètement, c'est de la gaufre. C'est de la gaufre. C'est une sorte de beignet, en fait. Enfin, je veux dire. Ah, parce qu'il y a beaucoup de gras. Bah, c'est de frit, sucre, oui. Mais faut pas oublier qu'en France, on a le Queen Amman quand même. Oui, oui. Ouais, mais c'est tellement bon le Queen Amman, j'adore. Ah ouais, mais. C'est pas en France, c'est en Bretagne, c'est pas pareil. Mais c'est pas en France, en Bretagne. Oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Qui nous écoutent. Mais j'en faisais quand même, j'avoue, j'en faisais quand même dans ma boulangerie. Donc voilà. Le Queen Amman, mais c'est la ville, le Queen Amman. On est d'accord. Ouais. Martin, un plat américain que t'aimes bien? J'ai pas forcément un plat qui me vient en tête, mais je me souviens que le matin, j'aimais bien me prendre un ice coffee. C'est du café avec de la glace pilée. D'accord, mais alors le café aux États-Unis, il est quand même un peu... Dégueulasse? Dégueu, non? Bah là, en ice coffee, ça passait chez Starbucks. Il y a la glace qui rattrape le tout. Ouais. Ouais. J'ai pas demandé à Laura. Laura, plat ou dessert préféré aux États-Unis? En plat, enfin ça fait un peu comment dire, comme tout le monde, mais moi c'est burger. Enfin, j'ai eu l'occasion de tester pas mal de burgers dans différents restaurants, mais un dessert qu'on trouve pas beaucoup en France, je trouve, c'est les cinnamon rolls, qui sont aussi pas mal dans les pays anglo-saxons en fait de manière générale. C'est une sorte de brioche un peu qui en tortillon en fait et à la cannelle, et c'est excellent. Oui c'est ça, c'est la cannelle, ouais d'accord. J'en ai déjà mangé par chez nous. T'en as déjà mangé de quoi? Ouais. Dans une c'est de la brioche feuilletée par contre. Ah oui, ça non, s'appelle là, pas. C'est... Ah ouais, c'est... non, c'est pas feuilleté, ça fait plus brioche molle. Ah d'accord, enfin, brioche... c'était autre chose alors que je. Enfin. Mais je connaissais un concept de pâtisserie française où c'était de la brioche feuilletée tressée comme une torsade. Et dedans, ils avaient de la cannelle, il y avait d'autres avec de la noisette. Enfin, peu importe. Après, mais tu mets comme tu veux. Mais d'accord, ouais, c'est intéressant. On a juste repris la forme et la cannelle, quoi. Disons. Ouais, ouais, c'est... ouais, mais ouais. On n'a pas le cinnamon roll. Je crois, non. Après, je ne veux pas faire coup... de pub pour cette marque-là, mais j'en avais mangé une fois à Starbucks. Donc, du coup, un Starbucks, il y a absolument partout. Mais bon, j'ai pas trop envie de faire la promotion de Starbucks, mais ça serait bien qu'ils étendent le cinnamon roll un peu partout parce que ça me manque. Mais c'est pas si compliqué à faire toi-même, hein, Laura. Mais ouais, mais flemme. Flemme. Et le mode États-Unis, enfin américain, c'est faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que là-bas, ils font du drive pour tout. Hein, et donc, Laura, si elle veut manger américain, faut que ça puisse arriver comme ça en commande, clac, clac, au drive, boum, pas à faire soi-même. Sinon, mais d'ailleurs, tu parles c'est beaucoup, ça. Mais toi, c'est quoi ce que t'aimes de chez les Américains? Parce que. Honnêtement, je rejoins Laura sur le burger parce qu'ils sont quand même les spécialistes et il y en a tellement. Et bon, après, faut aimer les grosses quantités, encore une fois, mais sinon, tu peux te prendre en doggy bag si t'as pas terminé. Donc, voilà. Et sinon, en dessert. Je suis pas contre tous les desserts gras, donc en fait, en vrai, il y en a beaucoup aux États-Unis, tout même les beignets, etc. Que tu. T'es voilà, pas contre les desserts tout court. Et si je peux rajouter une couche de chantilly de Nutella dessus, ça me va. Hein. Voilà, voilà. Mais bref. Non, c'est pas la chantilly qu'il faut, c'est le fromage en bombe. Voyons, à l'américaine. Alors non, parce que là-dessus, je suis très français pour ça, et le fromage, j'adore ça, et j'aime bien les fromages qui ont du goût, et donc du coup, les fromages français, quoi. Là, on est fromages qui ont du caractère. Les fromages qui ont du caractère, voilà. Alors pas de la pourriture dessus, parce que ça, je n'aime pas, mais j'aime beaucoup de fromage, et franchement, manger du fromage sans goût, ça, au bout d'un moment, ça me dégoûterait. Pour avoir été en voyage en Europe et être descendu dans les pays un petit peu de l'Est ou Sud-Est, honnêtement, au bout d'un moment, t'as envie de manger des produits qui ont du goût. Ça manque la France. Mais je sais pas, ça a un mauvais goût. Mais... C'est un mauvais goût. Et puis, ouais, ça, non, ça a pas vraiment de goût non plus. Hein. Quand tu manges du gouda, au bout d'un moment. Je te parle du cheese spray. Je te parle du fromage en spray. Ouais. C'est pas que ça a pas de goût, c'est que ça a un mauvais goût. T'as l'impression de bouffer du polystyrène. C'est pas si mauvais le polystyrène. J'imagine. Non mais j'aimerais bien goûter juste pour le fun, tu vois, mais en me proposant tout ça, ça tous les jours, tu vois, en sortant la famille américaine qui propose « Hey, fromage !» Non, en vrai, c'est pas du tout consommé régulièrement, hein, c'est juste, c'est un cliché de dessin animé. J'espère pour eux. dans un instant sur Indestar, on aura un quiz sur les États-Unis. Martin, est-ce que tu nous as prévu quelque chose ou pas? Non. Non. Ah non, mais c'est bien d'être honnête. En attendant, on a Epsilon avec C'est plus le paradis sur Indestar pour cette émission spéciale American. Indestar. Indestar, là où tout commence. Là où tout commence, et ce soir on commence notre vie aux États-Unis finalement, hein, en faisant un petit tour des traditions, en faisant un petit tour des lois débiles américaines, comme par exemple le fait que en Floride il y a beaucoup de choses qui sont interdites le dimanche, hein, aux États-Unis. En Floride, les femmes célibataires seulement n'ont pas le droit de sauter en parachute le dimanche. Voilà. Alors que dans le Connecticut, on n'a pas le droit d'embrasser notre femme le dimanche. Ça What? Fait partie. Non mais ça fait partie des lois comme ça, des bizarreries. C'est une mauvaise journée le dimanche là-bas. C'est une mauvaise journée, ouais. Et par contre des journées aussi pragmatiques parce que en Géorgie, on n'a pas le droit de mettre un cône de glace dans notre poche arrière le dimanche. Mais en même temps, on vous le conseille pas les autres jours de la semaine non plus parce que ça fond. Hein, cône de glace. Voilà, donc c'est important de le préciser. Mais en tout cas, les lois pragmatiques, c'est pas vraiment des lois, mais c'est pragmatique. C'est exactement ça, ça marche aussi avec les lois. Audrey, tu nous as préparé un quiz sur les États-Unis. Présidentielle. Je vous ai préparé un quiz sur la présidentielle, en vrai. Ah, sur la présidentielle. Ah, okay. Moi, je suis restée dans mon thème. On a suivi les élections ou pas. Donc, okay. Cette fois-ci, pour jouer, il y a Théo, il y a Teddy, il y a Laura et il y a Martin. Et il y a combien de questions? Il y en a 15. Mais on peut raccourcir, hein, si vous voulez. Bon, écoute, moi je suis chaud pour les 15. Ouais. Si c'est alors, pas d'accord. Je compte les points si tu veux. Je, Je vais prendre les... Non, j'aurais dû noter. Je vais prendre les points parce que ça paraît hyper important pour vous. Bah, Martin, je les note hein, si tu veux. Oui, ou je les note aussi, j'ai une ardoise. Mais... Moi, je les note aussi, chez moi. Teddy, tu seras en charge des notes comme ça, je vais pas à les faire. Oui, chef. Merci, chef. Yes, alors, sir. Tu proposes pour ensuite te déproposer. Non, mais c'est parce que, regarde, il était hyper content de le faire. Mais oui, j'adore compter les points. Comme ça, je peux tricher. Non, je déconne. Non, on a le droit de tricher ou pas ? Non, je peux tricher, mais c'est moins drôle quand même. Ok, bah j'ai perdu quoi. Oh, mais je suis attendue. Alors, honnêtement, il y a des questions hyper simples et il y a une question où j'ai vraiment été une bâtarde dessus. Vraiment. Il y a une question où si vous n'avez pas suivi l'actualité, enfin, non, plutôt, il y a une question où si vous n'êtes pas intéressé aux élections, vous n'en aurez pas la réponse. Bah, mais ça peut mal. Déduire. Et du coup, on fait comment dans l'introduction de cette émission. Possible. C'est possible. Donc, commençons par la première question. Tintintin. Alors, Joe Biden est donc élu président des États-Unis. Presque. Mais c'est le presque, environ. Ça serait le combientième de président ? Le 27e, le 46e ou le 52e ? Moi, Laura, je sais. À ton avis. Je dis réponse B. Réponse B, yeah. Martin, à ton avis. Il me semble que c'est le 52e. Théo. Je suis presque sûr que c'est le 46e. Et Teddy. Ah, mais oui. Pareil, c'est le 46e. Trop tard, Martin. Non. Bravo les garçons. Martin. Et les filles. Non. Oui, Martin, you lose parce que tu as triché. C'est la monnaie de ta pièce. Ok, ok. Tu sais, il a même pas commencé à tricher, ça y est. Donc oui, effectivement, ça sera le 46e président des États-Unis. T'as une petite tête pour le 50e président ou comment ça se passe ? Peut-être. Bah oui. C'est possible. Une partie. En espérant que ça soit une présidente, et pourquoi pas afro-américaine. Ah, ça serait chouette. Ça serait incroyable. Moi, je m'en fous du moment qu'elle a des bonnes idées. Oui, c'est ça. Exactement. J'ai vraiment cru que t'allais dire autre chose, mais... Oui, non, mais franchement, c'est pas mal cette phrase. Hein. Oui, ouais. Certainement. Genre qu'elle aurait bon fessier ou je sais pas. On va continuer dans les présidents, et on va reprendre dans le début des présidents. William H. Harrison était le 9e président des États-Unis. Et il a eu le mandat le plus court de tous ses collègues. Est-ce qu'il était de 30 jours, de 7 jours ou de 43 jours ? À ton avis... J'ai entendu cette histoire, mais... À ton avis, Martin ? Ouais, moi je m'en souviens très bien, c'était 7 jours. À ton avis, Laura ? Moi je pense que c'est 7 jours aussi, c'était extrêmement court, je me souviens. T'as dit ? Bah, à vrai dire, si t'aurais eu moins que 7 jours, j'aurais dit moins, mais là c'est 7 jours, alors le plus petit donc 7 jours. Et alors, Théo ? Est-ce que tu peux juste, je vais faire mon relou, mais juste rappeler les propositions. 30 jours, 7 jours ou 43 jours ? Allez, réponse A pour contrer les adversaires. Eh bien, tu as bien fait de contrer les adversaires puisque c'était 30 jours. Ouais. En fait, c'est... Martin et moi, on comprend pas. Ben oui, ah, non, mais fake news. Fake news. Non, non, en vrai, vous avez presque raison dans le sens où il n'a gouverné que 7 jours. Parce qu'en fait, comme un abruti, il a voulu faire un discours extrêmement long d'investiture qui a duré 1h45 dans le froid mordant de Washington. Et on était en 1841. Et il a chopé une pneumonie. Donc il a mis un mois à mourir de sa pneumonie et va titre. Okay. Donc il est élu président. Président, quoi, président quoi, finalement. Il est mort pour sa patrie. Il a mis point parce qu'on avait besoin un petit peu. Oui, oui, moi je voulais parler de ça en fait. Il avait. Oui, on était au courant. Hein. Ouais, la totalité de la débit. Hein. Nous on était vraiment là avec Martin. Hein, donc, Bah oui. Bon, bah pas de soucis. Peut-être que vous pourrez vous rattraper pour la prochaine question. Bon. Donc, quels sont les animaux les plus possédés par les présidents américains ? Est-ce dans le sens une dinde exorcisme ? Pardon. Dans le sens que c'était deux dans eux ? Est-ce une dinde, une vache ou un chien ? Un petit chien. Donc, Laura, tu dis un petit chien. Ah non, non, c'était juste pour répéter un petit chien. Un petit chien. Donc alors, à votre avis, les présidents américains ont possédé quel type d'animaux le plus ? Dinde, vache ou chien. Yann, Théo, pardon, excuse-moi, à ton avis ? Alors, je serais tenté de dire dinde parce que Thanksgiving, tout ça. Ah non, mais je parle possédé et animal de compagnie. Hein. Oui, oui, oui. Après, chien, c'est un peu facile. Bah ouais, c'est ça le truc. Bah ouais. Dit, moi, je dirais vache. Je dirais vache. Ouais. Martin, tu dirais quoi? Je donne pas de raison. Tu veux dire chien? Chien. Théo, tu dirais quoi du coup? Oui, je dirais allez chien, mais j'en suis pas persuadé. Je me sens fou piège en fait, moi. Bah, moi je dirais dinde parce que je pense que. Enfin, c'est une supposition, ça se trouve, c'est totalement capillotracté, mais je pense qu'en fait, ils ont une dinde par an qui tue à Thanksgiving. Ouais. Ouais, mais imagine, il y a un des présidents qui a un élevage ou un ranch de vaches. Bah, tout de suite, oui. Il pèse dans le game. Ouais. Eh bah, t'es ouais, pas, en vrai, t'es pas loin, Teddy, mais c'est bien le chien. Non, c'est bien le chien qui est le plus possédé. D'ailleurs, Joe Biden, là, qui rentre, a deux bergers allemands. Champ et General, je crois, ou Treasure. Bref, c'est le chien, l'animal le plus possédé. Mais par exemple, Roosevelt, était passionné par les animaux. Il en avait plus de 50 dans sa ménagerie personnelle, dont des grizzlies, des crocodiles, des oiseaux exotiques, des chiens, des chats, des perroquets, des toucans, des ce que tu veux. Mmh. Et il y a des présidents qui ont eu des animaux absolument abracadabrantesques. D'accord. Mais oui, c'est bien c'est le l'Amérique. Chien que les présidents possèdent le plus, j'ai, il n'y a eu que j'ai hésité, deux. J'ai hésité avec la dinde parce que j'ai eu un peu la même réflexion que Laura. Il y a Théo et Martin qui ont dit chien. C'était pas un animal domestique en fait, il a gracie, mais ça reste... Il y a Théo et Martin qui ont dit chien. Il n'y a eu que deux présidents qui n'ont pas eu d'animaux, dont notre fidèle Trump. Ah bah. C'est déjà suffisamment un animal tout seul. Hein. Bah il avait des femmes. Il paraît, ouais. Il avait déjà ses parcours de golf aussi. C'est quand même déjà beaucoup d'entretien. Il y avait sa moumoute là sur sa tête. Ça servait de chien. Alors, petite question culture générale pour ce qui suit. Laura, je pense que tu auras la réponse aisément. Ça me fout pas la pression. Hein. Laura, elle a la pression. Franchement, je pense que Martin aussi, t'as dû en entendre parler. Enfin, tout le monde en a entendu parler du fameux scandale du Watergate. Mm-hmm. Le Watergate est une affaire d'espionnage politique qui a abouti à la démission du 37e président. Qui était-il ? Nixon, Kennedy ou Ulysses S. Grant ? Je crois que j'ai la réponse. Alors, Théo, c'est quoi ? Je crois que c'est Nixon, il me semble. Ensuite, Laura ? Il me semble que c'est Nixon. Martin ? Je vais dire Ulysses. Et Teddy ? Putain, pourquoi Martin t'as dit Ulysses ? Vas-y, je vais faire confiance. Laura et Théo, vous n'avez pas intérêt à vous planter parce que j'en ai aucune idée. Nixon. Alors, Nixon. Eh oui, c'est la bonne réponse. Oh, c'était bien Nixon, le 37e président. Et il a lui-même espionné. Alors, si vous voulez vous renseigner sur l'histoire, il y a une très bonne affaire sensible qui est sortie il n'y a pas longtemps sur France Inter. Et Nixon a espionné son propre cabinet, enfin ses parties, en cahouette. En cahouette sévère. En beurre de cahouette. En beurre de cahouette, en peanut butter de sa maman. Ouais. Alors, passons à une petite question extrêmement facile. C'est ta cinquième ? Elle est... oui, exactement. C'est la cinquième. Ah. Bah Théo, il a 4 points pour le moment, le bâtard. Oui, je suis en sans faute pour le moment. Franchement, elle est facile, tout le monde. Quelle est la capitale fédérale des États-Unis ? New York, San Francisco ou Washington D.C. Washington D.C. San Francisco. Non, je déconne. Donc, Laura, Washington. Washington. Martin, Teddy aussi Washington, et Yann ouais. aussi. Absolument. Ouh. Bien sûr. Washington. Washington D.C. On passe à une question un peu rigolote, d'une petite anecdote, enfin d'une petite particularité. L'État de l'Ohio a une particularité depuis 1964 concernant les élections. Quelle est-elle ? Est-ce que cet État vote uniquement démocrate ? Est-ce que cet État vote toujours pour le vainqueur ? Ou est-ce que cet État vote toujours pour un candidat indépendant ? Ah, je pensais que t'allais parler des particularités de deux ou trois États que tu nous as parlé tout à l'heure. Je me suis dit, ça se trouve, ça fait partie de cela. Eh ben, peut-être. Moi, je le sais. Alors, Laura, à ton avis ? Moi, je dirais la réponse B. L'État qui vote toujours pour le vainqueur. Exactement. Martin. Ça serait un hasard donc. Ouais, la B me tente bien. Allez, partons sur la B. Fini ? Bah pareil, j'allais dire la... ça donc. Ah, trop facile. Et Théo ? La réponse C. Mais oui. Eh bien non, vous avez. Ah. Théo, tu as perdu, les autres ont raison. Depuis 1964, le swing state de l'Ohio vote toujours pour le ou la future présidente. D'accord. Ouais, il retourne bien sa veste. Hein. Exactement. Ouais. Alors là, on passe à la question. Pardon. Voilà. Quoi ? Je dis au moins, ça fait pas de mécontents. Ils ont. C'est à chaque fois, ils se disent bah, vous avez vu, on a voté pour celui qui a été élu, quoi. Oui, exactement. Alors là, on passe à la question la plus dure du questionnaire. D'accord. Mais peut-être que vous pourrez deviner. Maury Turner a été élue législatrice de la Chambre d'État d'Oklahoma. Quelle est la particularité de cette élection ? Est-ce qu'elle n'avait pas de concurrent ? Est-ce qu'elle est ouvertement QAnon ? Ou est-ce qu'elle est non-binaire et de confession musulmane ? C'est quoi la deuxième ? Ouais. Ouais, moi non plus, j'ai pas compris la B. Ah, ouvertement QAnon. QAnon, c'est un mouvement complotiste très puissant aux États-Unis. Leur idée, c'est qu'il y aurait un deep state, un état profond qui gouvernerait tout. Et évidemment, on y met dedans ce qu'on veut, les Illuminati, les GAFA, tout ce qu'on veut, quoi. Donc, est-ce qu'elle est ouvertement complotiste ? Est-ce qu'elle était la seule concurrente ? Ou est-ce que cette personne est non binaire et de confession musulmane ? À ton avis, Théo ? Pour moi, les non-binaires et de confession musulmane. Teddy. Je dirais la B, parce que t'as l'air de bien le savoir quand même, donc c'est peut-être que c'est ça. Ouvertement complotiste, donc. Ouais. Martin. Tu peux me le répéter, il y avait complotiste, non-binaire. Pas de concurrence. Ouais, je dirais pas de concurrence. Et toi, Laura ? J'hésitais entre pas de concurrence et complotiste, mais en soi, c'est vrai que je rejoins Teddy dans le fait qu'ils disent « Ouais, mais tu en sais beaucoup quand même !» Non, je pense qu'elle en sait beaucoup parce qu'elle en sait beaucoup, mais que c'était pas ça. C'est ça, exactement ce que j'allais dire, mais je pense du coup que c'est la A, parce que, enfin, excusez-moi de ça, mais tu disais c'était en 1964, c'est ça ? Ah non, celle-là, c'est la suite. C'est une question c'est cette année. Suivante, il y a pas, on n'est plus sur une date. Ah. J'ai changé de question. C'était l'autre, ouais. Parce que je pensais que c'était en 1964, donc par déduction, je me disais. C'était précédent 1964. Ça change tout. Bon, je vais dire la A parce que c'était mon premier choix à la base, je vais rester là-dessus. Eh bien, non, c'est Théo qui a raison. Cette personne est donc non-binaire et la première législatrice de confession musulmane à être élue en Oklahoma. Et on la félicite. Oui, parce que ce que je vous avais pas dit tout à l'heure, c'est que le 8 novembre, quand les gens votent, ils votent aussi pour leur sénateur, des référendums, ils votent pour leur procureur. Ah voilà, ils votent donc pour les procureurs, les shérifs, les représentants du Sénat, les gouverneurs et quelques référendums. Donc en fait, cette journée est vraiment une journée de l'élection. Avec un grand E. Mmh. Ah, mais c'est une info récente. Oui. Ah, d'accord. Mais oui, mais je l'ai vu, c'est. Enfin, moi, j'avais vu un article sur une femme transgenre. Oui, il y a aussi la première femme transgenre à être élue. Et la première. Donc, la première femme. La première non-binaire. Aussi, et il y a eu, parce qu'il y en a eu trois comme ça, des mémorables. Il y a eu donc la première, oui, mais elle sur son site de campagne, elle utilise les pronoms she, her. Donc on peut la mettre au féminin pour parler d'elle. Mm-hmm. Et donc la première transgenre, et il y en a eu une autre, mais la première amérindienne. Enfin, ils ont gagné le droit d'être élus. Bah oui, des siècles, exactement. Ouais, clairement, les pauvres. Ah, une question hyper facile maintenant qu'on a fait la plus dure, franchement. Cette année, une candidature incongrue s'est présentée. Est-ce que c'était la candidature de Kanye West ? Est-ce que c'était la candidature d'Oprah Winfrey ? ou est-ce que c'était la candidature d'Elon Musk? À ton avis, Teddy? Kanye West. À ton avis, Théo? Je rejoins Teddy, c'est Kanye West. Oui, Kanye West, bien sûr. Tout le monde est d'accord, évidemment. Kanye West. Et il a eu des voix dans certains états. Mais évidemment, il n'a pas été choisi pour le ticket gagnant. Dommage. Et donc, aussi dommage que ça. Commentaire de Martin. Alors, je pense qu'on donc... s'est bien marré avec Kanye West juste après Trump, ça aurait été incroyable. Marré, je suis pas sûr que le but est de se marrer, j'en suis pas certain. Tu vois. Ah bah, de l'extérieur. Oui, bon, oui, quand t'es pas concerné, tu t'en fous clairement. Enfin, mais encore. L'extérieur, la puissance des États-Unis fait que ça peut très vite nous arriver oui. sur la gueule. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça peut très vite nous impacter. Bon, Joe Biden, on en a parlé, il est vieux de chez vieux, il va peut-être clamser, mais du coup, il a quel âge? 66 ans, 90 ans ou 78 ans? Je sais. 78. 78. Ouais. Pareil. C'est ça. Ok, c'est bon. Vous voyez, vous êtes bon. Mais en plus, ce qui est assez marrant, c'est que Trump, il est en regardez comme il est vieux, alors qu'ils ont que 4 ans. Mais oui. Tu dirais les gamins, enfin même dans les discours, hein, mais les gamins en maternelle, tu vois, ouais, moi, je suis beaucoup plus vieux parce que j'ai 6 mois de plus. Tout. Et bah, même pour moi, tu fais ça et pas toi, et nanana. Et moi, j'ai des cheveux et pas toi. Pardon. Et Trump aussi est gâteux. Hein. Oui, clairement. Avec son vieux caniche sur la tête, là. Ouais. C'est mon préféré. Alors... Vois qu'il en a un animal. Oui, clairement. Il fait de la taxidermie. Mais voilà, mort. En fait. Un animal mort. Donc, petite question simple aussi. Enfin, simple. Non, pas forcément simple, mais rigolote. Avant d'être président des États-Unis, évidemment, Ronald Reagan a exercé le métier de banquier, acteur ou plombier. Ou les trois. Ou les trois. Alors, à ton avis, Théo? Ah, je sais. Je l'ai vu. Moi, j'ai dit plombier. Teddy, tu dirais quoi? Bah oui, c'était plombier. Martin, tu dirais quoi? Je vais dire plombier, vu l'assurance avec laquelle les autres... Alors non, pas du tout. Hein. C'est... lui, il a jamais suivi dans Actu Solite. Teddy, il a dit c'est plombier, moi je suis. Et toi, Laura, est-ce que tu les suis? Oui, c'est plombier, oui. En plus, t'as dit, et c'était un grand indice, oh, c'est rigolo. Est-ce que c'est rigolo d'être acteur avant d'être président? Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est rigolo d'être banquier avant? Non. Enfin, parce que Emmanuel Macron, est-ce qu'il est rigolo dans la finance? Non, il n'est pas rigolo. C'est marrant d'être Mario avant d'être. Bien, bon, désolé. C'était une blague pragmatique puisqu'il était acteur. On sait tous savoir, je ne crois pas. Alors, pour ta petite info, Martin, méfie-toi de mon assurance légendaire. Parce que ça, plus, c'est. Je voulais dire acteur, je te remercie. De rien. C'est des pièges que je faisais souvent dans Actu Solite. Écoute les podcasts, tu vas voir. Je suis vraiment un connard là-dessus. Teddy est assuré 3000 et en fait, c'est pas du tout la bonne réponse. Ok. Alors, on va repasser sur une question hyper fastoche que vous allez tous avoir bon sans aucun souci. Le système de vote américain est indirect, c'est-à-dire que les gens votent pour des grands électeurs qui, eux, élisent le président, que les gens votent pour des sénateurs qui, eux, élisent le président, que des gens votent pour des prunes. Ouais, c'est un peu ça en fait. Je dirais pour les grands électeurs. Je dirais la A aussi, ouais. La A aussi. Tout le monde est d'accord. La A est un peu la C en vrai. Oui, un peu la C, je suis d'accord avec Martin. Bon bah, je rajoute un point à Martin alors. Alors, pareil, peut-être. Non, il a triché, c'est mort. Non, mais c'est bon. Non. J'étais jeune, j'ai fait des erreurs. D'accord. Je passe à autre chose. Sa vie. Bon, très bien, d'accord. Si t'as purgé ta peine, alors d'accord. T'as purgé ta peine. Un point de plus. Non, mais alors que moi, tout à l'heure, j'avais précisé Albuquerque et tout, et puis on me l'a pas donné. Non, mais laisse tomber, c'est unfair. Ouais, c'est quand t'étais jeune aussi, donc ça compte plus. Quoi? Bon, alors là, le petit chat, concentrez-vous. À votre avis, dans l'exercice de leur fonction, combien de présidents se sont fait assassiner? 1, 4 ou 15? Oh non, bah non, quand même pas. 15 présidents? Non. 4. Alors Martin, toi tu dirais quoi? Ouais, peut-être 4. 4 parce que j'en connais déjà 2, donc... Teddy dit 4, Laura? Peut-être 1. Et Théo? 4. Eh oui, 4. Oh, Lincoln et Kennedy pour les plus connus. Mm-hmm. C'était qui le premier? Lincoln. Et Kennedy. Lincoln, en plus, Lincoln, c'est vraiment une histoire de con. Il fait son premier mandat. Lors d'un show pour la réélection, quelqu'un est arrêté avant de l'agresser. Cette personne va rester 30 jours en prison, va sortir et l'abattre 30 jours plus tard. D'accord. Pendant son deuxième mandat, donc. Kennedy, qui est le fameux attentat de Kennedy. William McKinley, qui est dans les premiers présidents, et James Garfield, qui est aussi dans le top premier, qui sont tous les deux faits tués à l'arme blanche. D'accord. Et heureusement que c'est pas 15, parce que sinon il y aurait vraiment une malédiction, pour le coup. Il y a une mort, mais pas 15. Tu peux tuer 3 présidents à la rigueur. Mais pas 15. Pas 15. Mais vous allez rigoler, mais on n'est pas loin du compte funèbre, enfin on n'est pas à 15 quand même, mais il y a quand même eu 4 morts naturelles dans l'exercice de leurs fonctions. Ah oui, aussi. Bientôt un 5ème. Ouais, peut-être. Peut-être. Le pauvre, je lui donne des mauvaises ondes. Donc, je ne sais pas. Alors, on arrive déjà à la 13e question, donc ça va vite, mine de rien. Oui. Vous ne le savez peut-être pas, mais ça fait partie du folklore des États-Unis. Quand les présidents, vice-présidents et tout le tintouin sont élus, ils ont le droit de choisir un nom de code pour les services secrets. Alors, avant, c'était vraiment utilisé à des fins de services secrets. Maintenant, ça fait plus partie du folklore. Le nom de code des services secrets pour Kamala Harris. Est-ce Pioneer, Eagle ou Muse? C'est qui, Kamala Harris? C'est la vice-présidente de Biden. Bordel. Mais, du coup, ça veut dire que c'est communiqué, leur code secret? Oui, maintenant c'est communiqué, en fait. Avant, ça servait vraiment et vachement de secret. Code secret. Maintenant, c'est plus pour le folklore. Ah et ouais, chaque président. Nous allons choisir un code secret. Tu peux rappeler, il y avait Muse, il y avait qui d'autre? Pioneer, Eagle, Muse. Ah ouais, c'est que de la musique quoi. Pioneer, je ne sais pas. Bah, Pioneer, c'est marque de radio. Ouais, d'accord. Ah, je ne savais pas. Mmh. Autant pour moi. Ouais, je prendrais ça. Alors, un petit autoradio. Théo Pioneer? Ouais, un autoradio pour la vice-présidente. Comme ça, elle peut communiquer au service secret, tu vois. Martin, t'es... Ouais, je dirais Pioneer aussi, vu que c'est la première femme vice-présidente. Teddy? C'était quoi, les deux autres? Eagle ou Muse? Oh là. Eagle, c'est où? C'est un mec. Vas-y, je vais prendre comme les autres, là. Pioneer. Ouais. Et Laura, est-ce que tu suis l'avis du public? Non, je vais dire Muse. Eh bien, tu aurais dû suivre l'avis du public. Effectivement, Martin a donné la bonne explication. Et oui. Et juste pour rigoler un peu, Joe Biden, son nom, c'est Celtic. Pourquoi? Ça n'a pas de... Voilà. Oui, Pioneer, parce qu'elle est première femme vice-présidente. Ouais. C'est j'avais mal compris. Ma théorie de l'autoradio pour communiquer, ça marchait pas du tout. J'avais mal compris la question, en fait, parce que je pensais que... C'est pas grave, Laura. Je pensais que en fait c'était un nom de code, mais que tout le monde se donnait. Je pensais pas que c'était que elle. Ah, c'est eux qui choisissent leur nom de code. Melania était donc Muse et Trump était Muggle. Et Muggle, c'est en plus d'HP, en fait, en plus d'Harry Potter, le vrai terme Muggle, c'est mania de la finance. Ah donc, pour vous dire le boulard du gars. Évidemment. Et évidemment, comme Barack et Michelle étaient absolument les plus classes de toutes les classes, Barack, son nom de code, c'était Renegade, et Michelle, c'était Renaissance. Ah, c'est pour ça qu'il y avait des blagues avec Renegade. Il a pris un nom de Jeep. Mais oui, j'ai vu des blagues avec Barack Obama et des voitures Renegade. Enfin, les Jeep plus que Renegade, c'est. Renegade, ouais, oui, bien sûr. Et je comprenais pas le truc. Renegade. Maintenant, je comprends la blague et c'est drôle. Alors, on va finir par deux questions extrêmement faciles. L'avant-dernière, combien de temps dure un mandat présidentiel américain? 4 ans. Tout à l'heure. 7 ou 4 ans. 4 ans. Et oui, un quadriennat. Ouais. La une fois. Et avec Donald Trump, ça a duré une éternité. Ah bah les années peuvent paraître beaucoup plus longues. Bon, et puis la petite dernière qui est extrêmement facile aussi. Une fois qu'ils sont élus, où vivent les présidents? À l'hôtel? À la Maison Blanche? Ou au Capitole? Maison Blanche. Eh oui, in the White House. Pas, il paraît que Donald Trump l'a repeinte. Et alors déjà, il l'a repeinte et réaménagée de façon dégueulasse, mais surtout au début, il voulait pas y habiter parce qu'il considérait que c'était trop petit. Oui, oui, c'était pas assez bien pour lui, oui. Ah ouais. Ouais, ah ouais, bah, ouais. Évidemment. On est sur un bon boulard. Ouais. Quand t'as une grosse tour comme ça aussi, tu m'étonnes. Bah en parlant de boulard, Théo, oui, il peut en avoir un sacré. Parce qu'il il a 13 points. C'est une position, ça. J'ai 13 points. Ouais. Ah oui, je peux me la péter, ouais. Ah bah ouais. En parlant de boulard, il peut y aller. Hein. 13 points sur 15. Sur 15, ouais, c'est chabot. Après, j'ai 11 points. Après, Martin, t'as 10 points. Et Laura, tu fermes encore la marche avec 9 points. Désolé, ah, Laura. Mais c'est parce que je suis plus anglaise qu'américaine. Je comprends. Et même 9 points, c'est pas mal. Hein, j'aurais fait un quiz sur la famille royale, t'aurais réussi. Bien sûr. J'en fais partie, en fait, hein, je vous le dis. Ah, je suis cousine au quatrième degré de la sœur de la tante d'Elisabeth. Voilà. D'accord. Très bien. Félicitations, dear queen. Thank you, dear. Yeah. Dans un instant, et pour terminer, pour fermer la marche, on aura le vous préférez. Alors, le principe du vous préférez, c'est assez simple. Je vous donne deux propositions. Vous préférez l'un ou l'autre. Et pourquoi? C'est what, comment ça s'appelle, what, explain, quoi. Enfin, bref. Non, c'est pas grave. J'ai foiré ma démonstration. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que parmi les lois américaines complètement absurdes, en Géorgie, un poulet n'a pas le droit de traverser la route. Voilà. Les flics ont pas le droit de traverser la route ? Non, les vrais poulets, parce que sinon, peut-être que par les faux poulets, ils se font prendre une amende. Ah, ils ne font jamais. Dans l'Idaho, si vous souhaitez offrir une boîte de bonbons en preuve de votre amour, elle doit peser plus de 25 livres, ce qui équivaut à environ 12 kilos. On comprend pourquoi les Américains sont un petit peu gros. Voilà, voilà. C'est du lourd. Et enfin, petite précision, dans l'Illinois, à Chicago, il n'est pas légal d'emporter un ours à l'opéra. Certainement parce que l'ours ne sait pas apprécier le bel art qu'il fait. Voilà, voilà. Paolo Monti, non, Lionel Cassio, pardon, Sitting the Straw Rocks. Paolo Monti, ça sera pour tout à l'heure sur Indestar. On en profite de Sitting the Straw Rocks. C'est un bootleg et c'est maintenant. Les accords sonnent comme une évidence. Indestar. Bon, club discothèque, sauf que bah, en ce moment, tu sais c'est interdit depuis les années 50 d'utiliser le mot discothèque. Le mot club discothèque, mais tu sais, club discothèque, ça me rappelle mon animateur préféré quand j'étais jeune et dire club discothèque, ce soir on met le why. Ça rappelle sa jeunesse tout court, quoi. Les années 50 tout court. Il n'y avait pas encore les clubs discothèques à l'époque. C'est plus les années 80, tu vois. On dit quoi? On dit club seulement? Non, même pas. On va en boîte. Club, on va en boîte. Bah ouais, et encore. Parce que ouais. On n'y va plus, ouais. Malheureusement. On n'y va plus du tout. Bah voilà, on fait la boîte à la maison. On termine sur une note plus gay, hein, puisqu'on est aux États-Unis ce soir. C'est le thème Amérique. Avec un vous préférez. Alors là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Pas de bonne ou de mauvaise situation. Pas de bonne ou de mauvaise réponse. Chacun est libre de choisir ce qu'il veut. Par contre, justify. C'est ça le terme que je cherche. Right, ouais. Wrong, justify. Voilà. Juste après, deux lois américaines qui me viennent comme ça. Par exemple, en Indiana, on n'a pas le droit de vous faire payer pour une représentation. Si le pianiste est manchot, parce que c'est moins bien. Du coup, voilà. T'as pas un tarif moitié prix? Ah non, moi, manchot, c'est plus de bras tout court. Ah merde, ah bah non. Oui, il en a qu'un. Ah bah oui. Et au Kansas, par exemple, alors celle-là, j'ai trouvé tiré par les cheveux, enfin les autres aussi, remarqué. Mais au Kansas, si deux trains sont sur la même voie, la loi stipule qu'aucun ne doit bouger avant que l'autre ne soit passé. Imaginez deux trains sur la même voie. Personne ne peut passer. Voilà, donc tu attends. Voilà. Heureusement qu'il y a une loi. Parce que heureusement qu'il y a une loi. Parce que sinon, les gens, ils attendraient. Alors, les vous préférez. Est-ce que vous préférez les bus français ou les bus américains? Alors, on joue un petit peu ce que nous disait tout à l'heure Laura sur les transports en commun. J'avais pas pris en considération les retards, je vous avoue. Mais pourquoi pas, il faut le prendre maintenant en considération vu que Laura nous a dit que les bus américains sont toujours un petit peu en retard. Ils savent pas forcément où aller. C'est un léger détail aussi. Alors, Audrey. Moi, j'ai pas pris les transports en commun aux États-Unis, donc je saurais pas me prononcer. Donc, je dirais les bus français parce que j'ai jamais pris de bus aux US. D'accord. Laura ? Petite précision aussi, enfin c'est vrai que j'ai parlé de ma traversée jusqu'à Miami qui était horrible, mais je tiens à souligner quand même que à New York, les transports en commun, ça va, ils sont à l'heure. Mais malgré tout, je préfère les bus français. Est-ce qu'ils sont confortables ? Confortable, c'est un grand mot. Enfin, c'est un... En fait, il n'y a pas grande différence. Ouais, je pense que même, hein. Tu m'aurais dit, par exemple, différence entre les bus en Angleterre et les bus et les bus en France. Moi, je te dis les bus en Angleterre parce que vu que c'est un double decker, t'as un étage et du coup, genre, quand tu te mets devant au premier étage, genre, t'as une vue panoramique et genre, ouais. T'es comme et une. Et t'as police, la gerbe aussi parce que c'est ouais, en hauteur, donc ça tangue. Mais si ça tangue en haut, plus tu montes, plus ça tangue. Ah oui, non, mais parce qu'on est fragile parmi nous. Oui, je suis fragile de tout ce qui est oreille interne. Et je peux te dire que dans les transports en commun, moi, il faut que je me mette sur l'essieu avant parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Ah, c'est d'accord, je vois. Oui, oui, je suis très comme ça. Mais par contre, moi, je pense aux bus, les school bus américains qui sont quand même assez sympas quoi, aux États-Unis. Et qui sont très Ils n'ont pas l'air si confortables que ça. Non, enfin, c'est un peu une icône parce que c'est le bus jaune. Quoi, mais, oui. Ah ouais. Sinon, je dirais bus français. Quoi. D'accord. Martin ? Oh, bah, petit bus jaune. Ouais, les school bus américains. Enfin, et Teddy ? Bah, franchement, moi, je vais faire le gars, le local. Nos bus fil vert, et ben, franchement, je les trouve bien classe. Donc, je vais prendre les bus fil vert, moi. Le bus français, Tourangeau. Ça voit que t'as pas été en bus au collège à mon époque, parce que je vais encore faire le vieux. À mon époque, dans les années 50, le bus, il fallait qu'on le tracte. C'était des bus Renault Savienne de l'époque et c'était alors, des estafettes le bordel. C'était très dur au niveau suspension, ce qui fait que j'avais rarement le mal des transports dedans. Donc ça c'était l'avantage. Par contre c'était très précaire. Hein. C'était le bus, le même bus qui est paru dans les années 70. Vous tapez les S53 et les S45 sur Google et vous allez voir à quoi ça ressemblait. Mais c'était vraiment les bus de l'ancienne époque. Ils ont fait la guerre avec. Presque. Voilà. Non, par contre, ce qui change aux États-Unis dans les bus classiques, hein, c'est qu'il faut monter obligatoirement à l'avant du bus. On peut pas monter à l'arrière parce que en fait, c'est le chauffeur qui s'occupe de vérifier notre type de transport ou sinon on lui achète directement avec des pièces et des billets dans une sorte de parkmet. Et donc, on n'a pas de contrôleur de bus en fait aux États-Unis dans les bus. D'accord. Voilà. Ça change en France, on peut pas frauder aux États-Unis. Voilà. Alors, deuxième question, est-ce que vous préférez, donc là c'est très américain, est-ce que vous préférez un doggy bag ou un BYOB ? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un BYOB ? Bring your own bottle. Exactement. Oh. C'est une chanson de System of a Down aussi. Ah, très bien. Je vous en serai tout à l'heure. System of a Down, ramener une bouteille ou les deux, quoi. Et là, c'est le fait de ramener de venir au resto avec sa propre bouteille de vin. Voilà. Donc, ce qui serait très mal vu chez nous, mais c'est possible aux États-Unis. C'est même pas mal vu, c'est interdit. Le fait de repartir avec ce qu'on n'a pas mangé du restaurant, et c'est très courant aux États-Unis vu qu'on nous sert une quantité colossale, le fait de pouvoir repartir avec cette portion. Je crois que ça se fait quand même en France de pouvoir amener sa bouteille dans les grands restos. Aucune chance. Parce que justement, ils s'amusent à mettre des vins pas chers dans la carte. Et d'ailleurs, on est notre carte de vin, en France, c'est légendaire dans tous les autres pays parce que nous, on en a plein des vins. On en met plein. Oui. Eux, ils en ont un et voilà. Enfin, classifier. Nous, on a même une carte de vin. Alors non, ça, c'est interdit en France. Par contre, ce qui n'est pas interdit, c'est... un sommelier qui m'avait dit que... Enfin, du coup, tu dois payer tu dois payer le droit d'amener ta bouteille. Le droit d'ouverture, ouais. Alors, tu peux avoir ça aussi aux États-Unis. Hein. Tu peux avoir cette taxe en plus dans l'année parce que, comme disait Laura, tu as tout un tas de taxes qui peuvent intervenir. Mais pas forcément sur tous les restos, mais c'est surtout que c'est pas mal vu, quoi. Tu vois, je sais pas, ça existe en France, hein, mais... Par contre, il y a un truc... Il y a un truc en France que tu peux faire dans un restaurant, si vous voulez, pour la petite anecdote. Vous avez le droit d'apporter votre propre vaisselle. Ah, c'est super drôle. Et vous avez le droit de leur demander de la nettoyer aussi. Ça, c'est encore plus drôle. Mais non. J'adorerais. Bah, bien sûr, personne ne le fera et personne ne va accepter. Hein. Personne va accepter. Ah bon ? Mais normalement, t'as le droit. C'est légal. Oui, j'ai ma vaisselle de la semaine. Mais si, attends, tu vas dans un grand restaurant 3 étoiles et là, t'arrives avec ton assiette en carton. C'est génial. Donc, break your one bottle ou doggy bag, Laura? Moi, je préfère doggy bag. Et pour l'anecdote, j'ai utilisé cette technique doggy bag quand j'étais aux États-Unis. Mais en fait, c'est quelque chose qui, je pense, va se faire de, enfin, se fait de plus en plus en France. Ça commence à se faire. Voilà. Mais en fait, en vrai, c'est bien. En France, il te reste rien, quoi. Et en vrai, c'est bien parce que vu que, comme tu disais, Audrey, les quantités sont énormes. Bah, au moins, si t'as plus faim, bah, tu jettes pas. Tu peux ramener chez toi, en fait. Et j'avais fait ça une fois. Du coup, c'était à Lewisburg, en plein milieu de la Pennsylvanie. Il y avait un petit restaurant des Caraïbes, en fait. Et dans le menu, il y avait différents plats. Un peu viande en sauce, riz, tout ça. Et je me suis tentée au plat le plus épicé. Et c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop épicé. Alors que moi, j'adore les épices. Mais là, c'était au-dessus. Là, t'as mis une semaine pour le manger, quoi. Mais c'était au-dessus de mes limites. Et du coup, j'arrivais pas à le manger. Et du coup, à la fin, le serveur, il me dit ouais, tu veux un doggy bag? Je fais ouais, je vais le ramener chez moi. C'était bon. Et au final, je l'ai pas mangé. ça m'a rendue malheureuse parce que j'aime pas ne pas finir mes plats. Mais c'était impossible à manger tellement c'était épicé. Donc, ça peut être une bonne technique. Genre, si t'aimes pas trop ce qu'il y a au restaurant, ouais, emmenez-moi ça en doggy bag. Dès que ce pas, déploquer dans tes poches. En fait, ouais. Mais non, mais c'est marrant le principe du doggy bag qui est très bien, je trouve. Mais dans un pays comme les États-Unis où on est en surconsommation totale, où on fait, on est vraiment en surconsommation et tout est à foison, etc. Et par contre, ça, parce que c'est pas d'hier, hein, le doggy bag, ça existe depuis beaucoup d'années. Et tu peux effectivement conserver ton repas, donc ne pas gaspiller. Donc je trouve ça chouette et ça commence à se voir en France. Ça serait bien que ça se démocratise, quoi. Personnellement, mais je pense qu'en fait, il faut juste demander des fois. Oui. Parce que personnellement, j'ai jamais vu de restaurant, restaurant qui refuse. Enfin, pour moi, tous les restaurants où j'ai été prennent le doggy bag. Moi, j'en ai déjà demandé beaucoup et je me suis jamais fait refuser un doggy bag. Voilà, je pense qu'il suffit de demander. Je pense que c'est très répandu en France au final, moi perso. D'accord, mais t'as déjà demandé, toi, Teddy, ou pas? Ah bah, moi, personnellement, non. Mais à chaque fois, quand je vais au resto, c'est jamais tout seul, parce que je trouverais ça triste, un peu. Mais j'ai toujours vu plein de gens demander des doggy bags sans problème, c'est normal. Enfin, ouais. Ouais, ils ont des boîtes exprès pour, ils ont des sacs exprès pour, généralement, voilà. Mais alors, c'est vrai que ça fait pas encore partie de la culture française, on va dire. Enfin, c'est pas très mis en avant, c'est ça le problème, c'est pas très mis en avant. Mais c'est pas mis en avant. Surtout que les serveurs le disent pas, en fait. Enfin, voilà, alors qu'aux États-Unis, c'est un peu quasiment un réflexe. Si t'as pas fini ton assiette, est-ce que tu veux un doggy bag? Alors qu'en France, on récupère l'assiette et point barre, quoi. Bah ouais, c'est ça. Et puis ce qui est cool aussi, c'est qu'en fait, avec cette démarche-là, tu peux très bien, si t'es en ville, sortir et puis le donner à quelqu'un qui est dans la rue, en quoi. Plus, ouais. Ah ouais, non, mais il a un repas et plutôt que d'être jeté à la poubelle, c'est quand même vachement. Ou pour les initiatives zéro déchet aussi, c'est bien. Enfin, pas zéro déchet, mais aussi, vous m'avez compris. Moins de déchets. Une troisième petite question. Une naissance en France ou aux États-Unis? Attendez, il y a que Laura qui a répondu. Hein. Oui, il y a que moi qui a répondu. Ah, je ne peux pas dire. C'est parce qu'on en avait parlé. Que toi qui compte ici. Alors, vas-y, doggy bag ou BYOB? Bah, doggy bag. Ok, bon. Ça va aller. Martin. Ouais, doggy bag aussi. Ouais, ok, pour le geste écologique. Et Audrey? Tout pareil. D'accord. Voilà. Alors, une naissance en France ou aux États-Unis? Oula, la question est vite répondue, oui. Mon cher. Clairement. En France. Alors, en France. En France, j'imagine, pour le coût. Bah, c'est ça, parce que. Pour la sécurité aussi. Tu payes pour accoucher, quoi. C'est immonde. Oui, parce que le système de santé américain, on en parlait au début de l'émission, hein, mais aux États-Unis, alors, et. Très performant dans le sens où il y a des spécialistes, etc. Mais par contre, pour être soigné, il faut avoir de l'argent. Et ça, il n'y a pas d'entraide au niveau des cotisations sociales, etc., comme en France. Il y a une forme de sécurité sociale, mais c'est vraiment quelque chose qui est... payer pour avoir une bonne mutuelle, quoi. Enfin, j'aime à imaginer Breaking Bad version française. Enfin, pour ceux qui connaissent Breaking Bad, en gros, c'est un prof de physique chimie qui apprend qu'il a un cancer des poumons, mais au lieu de payer de son propre chef, en fait, il monte un business de la drogue. Voilà. Mais sauf que si on transposait ça version française. Bonjour Monsieur White, vous avez un cancer. Tenez ma carte de sécu. Et voilà. Fin de l'épisode. Fin de la série. Bah oui, oui, oui, parce qu'on a de la chance et c'est vrai que c'est une extrême chance parce que il y a pas beaucoup de pays dans le monde où on a des soins qui sont intégralement, quasiment intégralement remboursés pour les grosses opérations. Et la France. Pour les petites, ouais, tu vas chez le médecin, c'est remboursé. Hein. Enfin, oui. Non, c'est pas, il y a certaines, je disais ça pour la majorité, parce qu'il y a certaines choses qui ne sont, qui sont pas remboursées intégralement en France, comme les soins, par exemple, pour les yeux ou les, enfin, ouais, les dents, etc., etc. Mais bon, c'est vrai qu'on a quand même la chance entre rien que le, l'assurance, la sécurité sociale, de rembourser intégralement ou en grande partie nos opérations, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Et si t'es pauvre aux États-Unis, bah t'as pas le droit. Et puis encore les dents. En fait, ouais. Le coût que ça a en fait maintenant les soins médicaux. Oui, ah bah c'est des coûts énormes évidemment, évidemment. Puis au passage, je rajoute une petite couche, les soins des dents, comme vous disiez, c'est pas remboursé. Alors ça dépend de quelle branche de métier vous êtes. Quand vous êtes dans le domaine alimentaire, c'est totalement remboursé. Oui, mais là, ça fait partie de ta mutuelle d'entreprise. C'est la mutuelle, oui. Là, je parlais de la sécurité sociale qui est la même pour tous en France. Après, ouais, c'est pas faux. J'ai rien dit. Après, par contre, ce qui change aussi aux États-Unis, alors ça, c'est une question de tradition aussi, c'est les baby showers. Nous, quand on a un bébé en France, en principe, on fête l'arrivée du bébé après, une fois qu'il est arrivé, sinon ça porte un peu malheur. Voilà. Donc, on a le prénom, on a le bébé, on lui envoie une carte, etc. Là-bas, ils font des grandes fêtes avant que le bébé naisse. Gender reveal, ouais. Oui, oui, oui, c'est ça. Et bon, après, imagine, c'est une fausse couche, ça la fout mal, quoi. Ouais. Ouais. Bon, ça les incite à en essayer un autre, mais bon, c'est quand même un peu bizarre. Ben bon. Après, c'est un choix. Donc, voilà, ce qui différencie essentiellement la France des États-Unis, c'est quand même le système de santé. Mais d'un côté, c'est peut-être assez intelligent parce qu'ils font une baby shower. Pourquoi ? Pour avoir des cadeaux, peut-être de l'argent, en prévision de l'accouchement qui coûte cher. Ah, oui. La mouette. Les gens qui font des baby showers en général. Oui, ils sont pas pauvres, on est d'accord. On est d'accord, oui. Quatrième question et avant-dernière, une majorité en France ou aux États-Unis ? Majorité. L'âge de la majorité. Hein, oui. 18 ans. Le fait d'être majeur en France ou aux États-Unis ? Alors, il y a certains États où tu peux être majeur à 18 aux États-Unis. Hein. Ouais, d'accord. Mais la plupart, effectivement, c'est 21. Ouais. La majorité aux États-Unis. Mais. Toi, Audrey, 21. Enfin. Non, mais en France, mais en même temps, aux États-Unis, tu peux conduire en étant mineur. Donc, exactement. Là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu peux avoir le permis et conduire tout seul à partir de 16 ans. Donc, c'est pour ça que mon cœur balance en vrai, parce que 18 ans, tu dis, on peut aller acheter de l'alcool. Voilà. Non, je ne bois pas l'alcool. Donc, par contre, je préfère conduire. Donc, choisir. Voilà, mon cœur balance. Teddy ? Français. Parce que j'ai pas envie d'être un jeune américain. Teddy, c'est cocorico. Alors, franchement, ça me fait chier, mais ouais. Là, clairement, ouais. Entre américain et français, je préfère encore être français. Quoi. Mais bon. Ok. Audrey ? Oui, mais j'ai déjà répondu. Tu as répondu quoi, aux États-Unis ? Français. Ah, français, ok, pardon. Laura ? Moi, ce serait français, parce que tu parlais de conduire à partir de 16 ans, mais je me souviens, à 16 ans, j'avais pas l'assurance, en fait, pour me dire « Ouais, je vais conduire », alors qu'à 18 ans, je sentais que j'avais envie. Mais est-ce que c'est pas quelque chose de psychologique du fait de se dire « Ouais, tu conduis à 18 ans, donc t'as plus l'assurance à 18 ans ?» Je sais pas, je fais une introspection en direct. Mais c'est ça, ouais, bah du coup, 18 ans pour cette raison-là, et puis bah pour le fait qu'il y a plus de liberté plus tôt. Ouais, d'accord. Et toi, Martin ? Ouais, bah je dirais français aussi. Parce que, ouais, pareil, conduire à 16 ans, ça me paraît un peu tôt. Ah ouais ? Moi, c'est vrai, hein. Pareil. Boire à 21 ans, ça me paraît un peu tard aussi. Enfin, dernière question. Est-ce que vous préférez ? Oui, pardon. J'ai une question. Attends, en Amérique, ils peuvent pas boire avant d'être majeur ? T'as pas le droit d'acheter de l'alcool. Ah, l'alcool. Ouais. C'est pareil que chez nous ? Oui. Oui, ils sont bizarres, ces Américains. Oui, d'accord. Ok. C'est 21 ans parce que la majorité t'as 21 ans. Donc, ouais, mais je pensais qu'ils pouvaient boire avant, tu sais, parce que c'est des Américains, quoi. Mais... Ah, bah, tu peux boire avant si c'est pas toi qui as acheté de l'alcool, mais il te faut un grand frère, quoi. D'accord. Ok. Voilà. Dernière question, est-ce que vous préférez nos pratiquantes de Turling Bâton ou les Cheerleaders American. Le webcam. Alors j'ai fait exprès de pas citer nos pom-pom girls parce que franchement elles auraient perdu, mais au moins les Turning Bâtons, elles ont un bâton quoi pour se rattraper. Alors, raccroche-toi à ta branche. C'est ça. Les cheers, évidemment, les cheerleading, c'est incroyable. Ces filles sont des athlètes de haut niveau. Tout ça pour quelques années, un spectacle, et ça y est, c'est fini. Ah oui. Tu fais ça en principe quand t'es à l'université, et puis après. Elles se sont blessées, elles ont consacré leur nuit, leur journée à prendre des chorés incroyables, et elles sont époustouflantes, quoi. C'est des athlètes de haut niveau. C'est vrai qu'il y a du haut niveau. Hein, bah, rien que pour contredire Audrey, parce que normalement j'aurais dû dire cheerleaders, je vais dire curling bâton, ouais, parce que eux ils s'entraînent pendant aussi des années pour balancer leur bâton. Hein. Ça n'est pas de la rigolade, hein. Si tu te fais tomber sur la gueule, ça fait mal. Non, mais on est d'accord, s'il y a des fans de curling bâton, vous avez raison. Et puis en plus, j'en connais, donc vas-y, rien que pour ça, mais normalement je dis cheerleader, pardon. Ok, quand tu sauras le prononcer. Ouais, voilà. J'hésite, les deux me tiennent très à cœur, ayant commencé une carrière dans les deux. je sais pas quoi dire. T'as vraiment fait du turning bâton? Ah, mais je suis champion d'Europe de turning bâton en fait. Quel abruti! Je vous ferai une vidéo pour Indestar. On en veut obligatoirement. Bien sûr. disons cheerleaders. Non, turning bâton quand même. D'accord, turning bâton. Et toi, Laura? Moi je dirais twirling bâton parce que rien que le fait de parler de cheerleader, genre je m'imagine dans la peau d'une cheerleader et je serais minable. Je suis le genre de fille qui ne sait même pas faire un poirier, un équilibre ou quoi, et je me dis oh là là, j'ai plus de chance avec un bâton. Autant prendre un bâton. Voilà. D'accord, très bien, non mais ça peut se comprendre. Moi un poirier, oui, mais sur le mur par contre. Voilà, ou avec un fond vert et puis on enlève l'autre. Alors Théo, cheer ou. Oh bah cheerleader aussi, parce que je te rejoins Audrey sur enfin je le trouve assez dans un sens c'est quelque chose qui me convient pas chez les cheerleaders, contrairement au cheerleading bâton, même si ça l'est un petit peu, c'est que les cheerleaders ça fait vraiment objet de spectacle pour un spectacle qui souvent est au milieu d'une compétition qui est menée par des garçons. Voilà, donc ce côté image ne me plaît pas. Par contre je reconnais la performance des cheerleaders qui font des chorés absolument magnifiques. Donc voilà, c'est pas simplement du défilé en disant ils vont gagner, c'est qu'il y a une performance artistique derrière. Il y a une forte pression aussi, et je trouve que ça renforce un peu une certaine pression sociale, parce que c'est toujours les sportifs de haut niveau qui sont les plus appréciés dans les lycées, dans les universités, qui ont des bourses, pareil pour le cheerleading, et du coup c'est un peu une sorte de compétition féminine en plus, qu'en mode cheerleader t'es au-dessus, mais par contre si tu fais du théâtre t'es un peu en dessous, quoi. Toutes les teenage films là, movie là, c'est que effectivement il y a chez les garçons c'est le sport, donc tu fais si t'es in tu fais partie de l'équipe de rugby ou de quarterback. Parce qu'ils sont pas rugby américains. Du college. Et puis si tu es une nana en vogue, tu fais partie des cheerleaders, quoi. Sinon, t'as raison, tout ce qui est expression artistique, etc. T'es plus dans les catégorisés intello et les losers. Les losers, exactement. Et les geeks. Mais si vous voulez, il n'y a pas que des nanas qui sont cheerleaders. Et si vous voulez découvrir, il y a un super reportage sur Netflix qui s'appelle Cheer et qui est en quelques épisodes et où tu vois à quel point c'est militaire et où les personnes se donnent à 4 milliards de pourcents pour faire un truc absolument incroyable qui dure 25 secondes. Et j'avais une question, du coup, vu que t'as vu ce documentaire, est-ce que, parce que c'est quelque chose qu'on voit dans les films américains Teenage et tout ça, est-ce que elles sont tout le temps obligées de s'habiller en mode cheerleading ou pas? Parce que je me souviens de séries comme Glee où les cheerleaders qui chantaient, elles avaient tout le temps leur tenue, genre la mini-jupe et puis le petit débardeur tout le temps. Ah oui, quand elles sont en représentation, t'es obligée d'être dans l'uniforme de ton équipe de cheerleading. Tous les jours. Non, ils sont en jogging. Non, oui, c'est parce que c'est une comédie musicale, c'est pour ça. Donc en fait, tu les vois vachement dans. Ça, c'est une tenue de représentation, c'est pas du tout une tenue d'école. D'accord, oui, parce que dans certains films, ouais, tu vois, ils sont du non. matin au soir avec les petites jupes et tout, hein, mais sérieusement. Ouais, mais c'est parce que dans les films, pour identifier, pour les personnages, des fois, ils ont toujours des mêmes costumes, c'est connu, dans beaucoup de films, il y a ça, les personnages ont les mêmes tenues, c'est pour pas, pour éviter de les oui. différencier ou pour pas se chercher à changer de costume. Par contre, en parlant de tenues, aux États-Unis, il y a les uniformes des différentes écoles. Ça, c'est, j'aurais pu la faire dans mes questions, vous préférez, mais voilà, en France, on va à l'école comme on veut. Aux États-Unis, il n'y a pas qu'aux États-Unis d'ailleurs, mais il y a un uniforme d'école. Donc, est-ce c'est que pareil, vous... pas partout, pas tout le temps. C'est beaucoup les privés qui ont des uniformes. Et ouais. puis, il y a un certain merchandising aussi autour des... comment dire, des universités, il y a énormément de goodies. Enfin, pour avoir été du coup à l'université où travaillait mon copain, au plein milieu de la Pennsylvanie, c'était l'université de Bucknell. Et enfin, Lewisburg, c'était tout petit comme ville, mais par contre, Bucknell était plus grand que la ville. Et ils avaient même un magasin en ville où tu as absolument tout épinglé Bucknell. Et du coup, là, dans l'armoire de mon mec, il y a une casquette, un sac à dos, un jogging, un sweat. Tu peux même avoir des porte-clés, des magnets sur frigo, t'as même des trucs pour les nourrissons, enfin, t'as tout. Oui, il y a une de parce que c'est vraiment une fierté. Alors, tu l'as un petit peu en France dans certaines universités, hein, quand t'as fait la Sorbonne, machin, mais beaucoup moins qu'aux États-Unis, parce que aussi aux États-Unis, tu payes une blinde aussi pour aller dans l'université de ton choix. Donc après, il faut le montrer. et t'as une certaine fierté d'avoir été dans Harvard ou à. En fait, c'est que tu payes quoi. Tu commences à payer, puis tu payes pour dire bon, ouais, après, j'ai payé. Et puis, tu voilà. payes de ouf, mais les structures sont absolument incroyables en ayant vu. Bon, après, j'ai vu que Stanford, mais c'était. Enfin, c'est très, très, très, très, très, très, très. Ah oui, très, mais par très, contre, très niveau cher. Équipement, ils sont taqués, ça c'est sûr. Bah, ils sont quand même cons. Ils payent 20 000 dollars l'année, j'espère bien qu'ils ont du bon matériel. Et après, t'arrives à avoir des Trump. Ah bah oui, oui. C'est pas l'équipement qui fait, j'ai, fait j'étais talent. Obligé de tailler un peu parce que... Il a pas été à Stanford, Trump, je crois qu'il a été dans une université minable. Il a été en camp militaire, ça c'est sûr, parce que c'était un véritable gamin qui faisait pardon. Que des bêtises. Bah, il a pas arrêté. Il a pas changé, ouais. Il a pas changé. Bah, Théo, j'ai des stats pour toi si tu veux. Oui, dis-moi. Parce que j'ai essayé de compter, tu sais, tout ce qui était pour France et tout ce qui était pour USA. Oui, du coup, dans l'équipe. On est beaucoup plus France que USA. USA, il y a que deux trucs, c'est les bus américains pour Martin et les cheerleaders. Voilà. Pour beaucoup de monde quand même, ouais. les cheerleaders. Non, même pas. On a plus choisi cheerling bâton que cheerleader. Ah bon, d'accord. Ah ouais. Okay. Ça montre que l'on est français. Ouais. Et qu'on est fier d'être français parce que on est des connards de français. La morale de cette histoire, nous sommes la morale français. De l'émission, nous sommes français. Et eux, ils sont américains, voilà. Mais on très est, bonne on conclusion les américains, on aime certaines de leurs us et coutumes, on aime certaines de leurs facilités de vie, etc. On aime beaucoup visiter l'Amérique, mais pas forcément y vivre, parce qu'il y a quand même des choses qui sont mieux en France, comme le fromage. Voilà. On les aime bien dans les fictions, dans les films, en fait, c'est tout. Oui, non, mais il y a beaucoup de choses, ouais. Cette émission, si vous l'avez ratée ou si vous en avez loupé une partie et que vous voulez réécouter, vous avez les podcasts qui sont disponibles sur une vingtaine de plateformes. Nous, on va se retrouver vendredi, toujours à la maison, chacun de notre côté, mais ensemble pour partager la soirée avec vous sur Indestar, avec une émission pop culture sur les... Pirates. Voilà. L'univers pirate au sens large, ce sera donc vendredi 21h sur Indestar. D'ici là, passez une excellente semaine. On espère que pour vous, ça va. Surtout, prenez soin de votre santé et de vos proches. Et de la musique à découvrir tout au long de la semaine, bien sûr. Hein, des nouveaux talents en veux-tu, en voilà. Tiens, en voilà un Paolo Monti avec What Is Love Me Again sur Indestar pour vous souhaiter une agréable nuit. Et on se souhaite tous une bonne soirée. Ciao les Salut. Amis. Bonne nuit. Bonne soirée. Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.